Bonjour, direct le samedi 25 juin. Je ne sais pas si j'ai donné le bon titre pour une fois. L'autre jour, j'avais marqué 2 juin alors qu'on était le 23. Donc, vous m'entendez, j'imagine. Ça ne doit pas y avoir personne. Donc, c'est sûr que le samedi. Si j'avais encore mon petit jardin, je serais probablement pas là. Bonjour Lulu. Bonjour Sylvie. Sylvie Bouloche. Ah, ça a l'air d'origine belge, ça se peut sûr. Donc, je devrais pas. Bonjour Lindus. Lindus. Bonjour Steve. Donc, oui, bon. Vous savez, dernièrement, on dirait que tout m'arrive en même temps cette année, là, ce mois-ci. Puis, ben franchement, ah, Bretonne, ah bon. Voix de la liberté, oui, on t'entend. Bon, excellent. Donc, c'est comme j'ai un correspondant qui m'a envoyé il y a longtemps un opéra pour que je l'écoute, puis je trouve jamais le temps. Je pensais que je pourrais, je suis allé à un endroit. Puis je pensais que je pourrais me servir du système de son pour lire le disque, puis le système n'arrive pas à le lire. J'ai plus, comme j'écoutais plus beaucoup de musique, j'ai plus de système de son. Pourtant, j'en ai eu. Ah ben, c'est que par petit remis, c'est certain que je vais finir par l'écouter. Bonjour Sandrine. Ici Marcène. Bonjour. À qui est la voix de la vie? Boras. Donc, bon, vous savez, c'est étrange. Comme je vous dis, tout arrive en même temps, là, ces derniers temps. J'ai rarement eu autant de choses à. Je pensais que j'aurais un été tranquille. J'ai rarement eu autant de choses à régler. Puis, on dirait que plus le mois avance, pire c'est. Donc, c'est pas grave. Ben, je commence à comprendre, à connaître pourquoi les événements, c'est comme ça. Je commence à comprendre. Bonjour Nella. Donc, par rapport aux dernières choses ou les derniers sujets ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, qu'on pourrait aborder par rapport là, le dernier vidéo que j'avais fait, jamais prendre tout pour du cash ou au pied de la lettre. Parce que c'est pas parce qu'on se débat contre des mémoires, si on peut dire, des vieilles forces qui s'expriment à travers l'inconscience collective qu'il faut se mettre à les nourrir. Donc, prenez, comme dernièrement, c'était la Saint-Jean au Québec. Puis, il y a longtemps, au Québec, à la Saint-Jean, souvent, il y avait de grands feux qui étaient allumés. Dans le fond, c'est des vieilles fêtes cycliques anciennes du temps de, bon, on fêtait le solstice d'été. Puis bon, c'est par après, ça a été, si on peut dire, christianisé, c'est devenu la fête de Saint-Jean. Saint-Jean le Baptiste. Bon, bonsoir, Christy. Donc, chaque année, souvent, il y avait des gens, quand j'étais enfant, il y avait des gens qui prenaient de la drogue puis ils se jetaient dans le feu. Ils étaient loin de se douter que, à ce niveau-là, inconsciemment, ils reproduisaient des vieilles choses. Il y a des endroits où, dans la nuit du solstice d'été, il y avait des sacrifices comme ça. Si vous regardez, dans les années, 70, il y a beaucoup de gens, même 60, il y a des gens qui, expérimentaient le LSD, puis des fois, ça finissait mal. Puis des fois, souvent, ça finissait par des vieilles reproductions de rites inconsciemment. Les gens reproduisaient ça inconsciemment. C'est ça des forces ataviques. C'est-à-dire qu'il y a dans la mémoire de l'humanité toutes sortes de choses, puis ça s'exprime à travers l'inconscience. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens, entre autres, qu'une fois sous l'emprise de drogue, ils se jetaient dans le feu de la Saint-Jean. Mais au niveau de la sociologie, de la psychologie, on est loin de l'avoir vu dans le temps comme étant l'expression d'atavisme, mais lié à des mémoires collectives anciennes qui s'exprimaient à travers ce qu'on pourrait dire la conscience endormie d'individus momentanément affaiblis au niveau de leur conscience. Donc, ce genre de choses-là, je considère que c'est important de les voir. Mais on peut juste le voir en tant qu'individu. C'est vraiment individuel de voir ces choses-là. Ça donne rien d'essayer d'expliquer ça, d'en faire une instruction collective, puis d'essayer d'expliquer les vieilles mécaniques de ces vieilles forces-là qui continuent à s'exprimer, qui font que l'être humain a des pulsions de vie liées à des pulsions de mort, parce qu'il est polarisé dans son mental, on pourrait dire son mental inférieur, dans le sens que ça dépasse ce qu'on entend par mental. Souvent, inconsciemment, les gens reproduisent certaines choses. Le problème des croyances. Ben, quand les gens inconsciemment reproduisent certaines choses, souvent, ça va pas être aussi clair puis aussi flagrant que des croyances, par exemple. Les gens qui se jetaient dans le feu de la Saint-Jean, c'était pas des gens adeptes des vieilles idées comme il y avait dans le temps des Celtes, même des choses qui viennent plus du Nord. C'est toujours inconsciemment, tout le temps. Donc, les croyances, oui, c'est un peu comme la pointe d'un iceberg. De toute façon, je suis pas contre les croyances. Mais, je veux dire, ça a une utilité. Si c'est encore là, c'est qu'il y a certains types d'individus, ils en ont besoin. Puis il faut respecter ça. C'est pour ça que la liberté de culte est dans les constitutions. C'est comme regarder là, aux États-Unis, la Cour suprême a tout simplement respecté la Constitution en redonnant aux États l'autorité de légiférer par rapport à certaines questions. C'est juste, ils ont juste respecté la Constitution. Ce qui fait que les États-Unis restent une république constitutionnelle, au fond, alors qu'on dirait que les démocrates voudraient en faire une sorte de dictature socialiste. Prenez François Legault à la Saint-Jean, il est allé dans son comté, puis il a été hué par la foule. Tellement qu'il y a une dame qui aurait pris le micro pour dire, ben, soyez un peu gentil. Mais vous savez, ils n'en parleront pas aux nouvelles de ça. Parce que c'est là, on a les mêmes forces ici qu'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire dans un sacrifice? Les basses fréquences font une brèche pour nourrir les entités qui, à leur tour, offre de l'information. Non, je vois pas ça comme ça. C'est vraiment un jeu d'inconscience puis de répétition. Ça, c'est au niveau des gens qui croient au sacrifice, ils vont considérer que oui, ils nourrissent des entités, comme à l'époque où on disait que les holocaustes étaient agréables à Yahvé. Mais au fond, dans le fond, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est pas, c'est, on nourrit de la mémoire. Mais ça ne veut pas dire que cette mémoire-là est consciente. Ça ne veut pas dire que ces entités-là sont réelles. Ça veut juste dire que l'être humain anthropomorphise des forces de la nature, entre autres, qu'il nourrit au niveau de sa mémoire collective, entre autres, c'est-à-dire de son âme. Donc, ça fait partie un peu du passage qui est le passage de l'animisme à des religions. Prenez tous les cultes étaient des cultes agraires. Ça a toujours été lié. Prenez, quand j'ai parlé dans la vidéo, les initiés de Mitra qu'on mettait dans une fosse, puis qu'on mettait un grillage et on égorgeait un bovin pour les inonder de sang. Eh bien, c'est très, très, très, très, très, très ancien, ça. En Afrique, il y a longtemps, au niveau de certaines peuplades, on égorgeait des bovins au-dessus des sillons dans les champs pour nourrir la terre, avoir de meilleures récoltes. L'affaire, c'est qu'il y avait une réalité derrière ça, c'est-à-dire que oui, ça enrichit la terre, c'est certain, mais l'affaire, c'est que l'être humain anthropomorphise, il subjectivise son rapport à tout. Il va donner un sens à la mécanique, il va donner des sens psychologiques abstraits à des mécaniques purement. En tout cas, Legault a besoin de figurants et d'écarter le vrai monde. Ouais. Moi, je suis vraiment un petit peu là de les revoir à reparler de souveraineté. Puis imaginez si on faisait la souveraineté avec un gouvernement comme celui de M. Legault. On tomberait dans un pays pire que le Canada. Et peut-être que nous n'aurions plus les protections de la Constitution canadienne, entre autres. Je suis persuadé que ce serait pire. C'est pas le temps. C'est pas vraiment le temps. Pas avec ces gens-là, en tout cas. Quand des corporations sont liées à un État, puis qu'au niveau des intérêts de conjoncture entre l'État et ces grosses corporations-là, il y a une volonté d'imposer, c'est-à-dire de la domination, Ben, c'est bien dommage, mais c'est du fascisme, ça. D'ailleurs, François Legault, il y en a qui l'appellent fasciste Legault. Pourtant, ça n'a pas rapport avec l'idée de droite ou d'extrême droite ou de nationalisme, mais ça n'a rien à voir. Moi, à mes yeux, Legault n'est pas un nationaliste. Quelqu'un de nationaliste ne fait pas des choses. Non, il va pas. On pourrait même dire c'est quoi sa position au fond, c'est un peu comme un traître, plus qu'autre chose, puis au niveau d'intérêt, entre autres. Mais là, c'est pas pour le diffamer, parce que si on m'invitait à m'expliquer, je pourrais démontrer pourquoi je dis ça. Pourquoi, à mes yeux, c'est comme ça. Mais on est sur le bord. On est en train d'entrer dans une ère où il va y avoir des délits d'opinion, semble-t-il. C'est pour ça que, finalement, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est aux gens, collectivement, de faire quelque chose. Je veux dire, ça ne doit pas être un individu de corriger des forces collectives. C'est comme ceux qui veulent changer la société. C'est un peu jouer le jeu des influences. C'est plus subtil que ça, là. Malgré qu'il y en a qui vont être. Ça va faire partie de leur trajectoire de vie, de changer la société. Mais moi, je veux pas de mission comme ça. C'est trop. Bonjour, tous les francs. Quoi, y en a-tu beaucoup ici? En tout cas, moi, c'est pas le cas. Je vous le dis tout de suite, là. Les gens qui entrent là-dedans sont pas obligés de le dire ou de pas le dire, mais jamais ils vont dire je suis pas là-dedans. Ils vont préférer ne pas commenter. Mais moi, absolument pas. Je n'ai jamais d'ailleurs, ben, comme je l'ai déjà expliqué, faut qu'il manque un morceau. C'est justement, on parle de force collective, là. Donc, c'est pas pour rien que c'est les personnalités publiques. Ouais. Ben oui. Que voulez-vous, ces choses-là, bon. Ah, en tout cas, ce n'est pas des sujets très réjouissants. Ça fait que David Lévesque va devenir père. Ça m'a mis de bonne humeur. Je suis content qu'il y ait encore des gens qui fondent des familles. Puis, fonder une famille de nos jours, ce n'est pas comme il y a 50 ans. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes défis. Donc, c'est certain que ça c'est la seule bonne nouvelle que je vais avoir eue dans tout le mois. Ça m'a mis de bonne humeur, ça m'a apporté une certaine joie. Donc, oui, il y a encore des gens qui vont être des vrais nationalistes, on peut dire, parce que c'est pas une affaire d'idéologie tant que ça que d'action, puis d'être. Une nation, ce qu'elle compose, ce n'est pas des idées nationalistes. Une nation est composée par les familles, par des milieux harmonieux, solides, qui vont avoir la capacité d'engendrer des individus équilibrés. Prenez juste les ravages que ça fait d'avoir des familles déséquilibrées, d'avoir des pères absents ou des mères irresponsables ou qui ont des problèmes. Puis ensuite, que la DPJ, qui les ravages que ça fait, ça se perpétue ça toute la vie. Toute la vie de certains individus, ils pourront pas. C'est un peu comme. Ça engendre un peu ce qu'on pourrait appeler un psychodrame qui peut juste se défaire par de la déception. J'ai peur que le collectif se satisfasse d'un succès d'année de liberté, un désir très mou. La motivation des contrôleurs est au contraire implacable. Vraiment, parce qu'oubliez pas, est-ce que c'est des motivations autres que par l'intérêt, puis ce qu'on pourrait appeler du patronage, ce qu'on appelait anciennement le clientélisme, les influences, comme je disais. Prenez, si on regarde, c'est je pense que la fille de Luc Boileau est attachée presse de Dubé. Je pense que c'est la femme de Dubé qui est présidente de leur affaire, le panier bleu. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas, là. Il ne peut pas faire autrement d'y avoir des conflits d'intérêts, là, à un moment donné. Prenez Pierre Fitzgibbon. En tout cas, mais c'est quoi du patronage, du clientélisme, c'est ça. C'est un peu comme ça que les mafias fonctionnent. Ça a tout le temps été. Mettre au monde des enfants, c'est aussi agrandir sa zone de vulnérabilité. Difficile de se réfugier derrière des concepts quand on s'attaque à ça. Et voilà. C'est pour ça que je dis que ça prend tout un courage. Quelqu'un qui sait de quoi il en retourne, qui est au courant d'aussi de certaines choses qui s'en viennent, ça prend du courage pour choisir consciemment de fonder une famille. Ça prend beaucoup, beaucoup de courage. Mais vous savez, il y a beaucoup de jeunes gens, entre autres, qui aujourd'hui arrivent à la ménopause ou à un âge où ils ne pourront plus concevoir d'enfants, que finalement, c'est tout un pan d'épanouissement qu'ils n'auront pas, ou de compréhension de certaines choses qu'ils n'auront pas. Donc, d'une certaine façon, c'est ça, c'est des affaires de programmation, entre autres, semble-t-il. Mais c'est sûr, parce que regardez la façon dont les problèmes se perpétuent par rapport à des milieux instables. Justement, des forces ataviques, si on peut dire, c'est enregistré dans l'âme pendant l'enfance, comme par des traumatismes, entre autres, qui causent des chocs. Donc, c'est une porte vers l'enregistrement dans ce qu'on pourrait appeler des zones inconscientes, qui ne font pas partie de la périphérie consciente de l'ego par rapport à lui-même. Puis ensuite, inconsciemment, des patterns vont se reproduire plus tard. Tant que les individus ne sont pas allés au bout de ça, ils sont condamnés à reproduire, c'est-à-dire que c'est des programmes. Donc, si ce n'est pas vu, ça travaille tout seul. Ça travaille dans l'ombre. C'est ce qui n'est pas observé qui s'active, qui va se réactiver au niveau de mémoire. C'est un peu ça, des forces des ténèbres, des choses qui agissent dans l'ombre. Dans l'ombre, dans le sens que ce n'est pas à la vue de l'individu, puis il est pris à reproduire, puis à resubir. C'est ça l'involution aussi, d'une certaine façon. Le principe d'involution, c'est-à-dire ça tourne en rond. Il n'y a pas d'évolution. C'est involutif, c'est comme des révolutions, mais dans le sens que ça tourne en rond. Donc, là, c'est pour ça qu'on est dans des systèmes humains où on a des programmations collectives. Ensuite, on a des révolutions. Après, on revit les mêmes programmations collectives. C'est ça, l'évolution. Quand il y a une révolution, souvent, c'est pour revenir à quelque chose d'avant. Comme prenez le côté très. Prenez la Révolution française, l'iconographie qui est très. Qui fait beaucoup penser au paganisme romain, souvent. L'idée de république qui nous vient, ou de démocratie qui nous vient tout le temps de l'Antiquité. J'ai rien contre la démocratie, au contraire, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été réellement appliqué au sens moderne du terme. Donc, bonjour, Isia. Donc, toutes ces choses-là, c'est pour ça que ça donne rien, comme je vous dis, juste de comprendre, d'intégrer certains processus par rapport au fait qu'il y a des lois de répétition, il y a de la mémoire, que ça s'exprime d'une certaine façon à travers l'inconscience collective des gens. Juste ça, c'est déjà énorme. Pas besoin d'étudier tout le passé de l'humanité, là. Ça sert à rien. Ça sert à rien de savoir. Des fois, je vais sortir des choses pour des exemples, montrer des exemples. Ça donne à rien de savoir tout ça. L'involution prend fin quand l'homme devient maître de son propre programme. C'est voilà. Puis ça commence à l'individuel. Puis ça devient collectif s'il y a une accumulation d'individus. Bonjour Marie. Mario, les gens devraient cesser de nourrir l'astral. Oui, mais se passe pas comme ça que ça fonctionne, malheureusement. On ne peut pas tout le temps penser au conditionnel, ça va continuer, puis ça va aller au bout de sa logique, ça, au niveau collectif. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, je m'adresse à des individus. C'est à des individus que je parle. Bon, mes voisins, ils se chicanent. Donc, c'est pour ça, ça donne rien de. Prenez toutes les histoires de sociétés, de micro-sociétés, puis Je suis très, très pessimiste pour le court, moyen terme. La tendance vers le dump planétaire s'accentue. Ben, ça a toujours été. Voyons, je ne vous vois plus là. Vous l'avez enlevé? Bon. C'est parce que c'est le planétaire. Je veux dire, pour ne plus le nourrir, l'astral, il faut ne plus être dans la dualité, à la polarisation qui engendre l'ambivalence. Donc, oui. Mais même là, il va y avoir. C'est parce que l'astral, il faut le nourrir avec des choses qui le défragmentent. Dans le sens, enregistrer de la mémoire consciemment. Si les gens de plus en plus sont dans l'expérimental, puis qu'ils vivent leur expérimental en se rendant compte de certaines choses, ça s'enregistre. Donc, c'est un petit peu. Faut un petit peu nourrir l'astral avec ce qu'il tue pour. Recréer ça, je veux dire, on est en guerre contre des choses qui se sont constituées inconsciemment à travers les âges. C'est surtout ça. Donc, comment est-ce qu'on règle ça? En appliquant la recette contraire, en observant. Ça prend une observation active en temps réel, puis même moi, je vous assure que je suis pas le plus extraordinaire pour ça. Souvent, je vois juste par après. Oui, enregistrer de la mémoire, c'est ça. Ben oui, c'est ça un peu l'épuration de l'âme. C'est un petit peu ça aussi, l'alignement des corps, dans le sens, ben, s'il y a moins d'idées subjectives, s'il y a moins qui nourrit par de l'émotion d'ailleurs, qui vient des. C'est comme du gaz, hein? À quand la fin de l'involution? Ah, oh, ben ça, je sais pas. On en a pour un bon bout de temps. Mais ça s'accentue, ça, c'est pas en train de. Donc, on voit de plus en plus de vieilles choses revenir. On voit de plus en plus, même les gens s'en rendent pas compte. Ça va de pair avec la fascination de l'être humain pour des choses comme les fouilles archéologiques, la paléontologie. On fouille tellement dans les poubelles de l'humanité qu'on est en train de salir la maison. C'est dommage, mais bon. L'involution appartient à la 3D. Vous êtes encore dans cette idée-là. C'est quoi la multidimensionnalité? En tout cas, mon observation, beaucoup de gens qui voient et qui veulent protéger les leurs vont volontairement éteindre leur petite voix et celle de leurs enfants. Mode survie, ouais. Oui, mais d'un autre côté, il y a tout un affaire de mise en vibration là-dedans. Puis, vous savez, quand vos proches sont en danger, ou que vous avez le sentiment que vous devez protéger des proches, ça active des vieilles choses, ça ne peut pas faire autrement. Tous ces programmes-là, c'est ça qui fait qu'au fond, il y a encore aussi des gens qui vont essayer de préserver. Donc, c'est pas nécessairement mauvais, mais ça vient avec des vieux programmes, ça vient avec des vieux modes de perception, ça vient avec des vieilles émotions. Donc, ça peut. Une personne très douce peut devenir très dure parce que sa famille est attaquée, puis c'est normal, c'est important même. Faut prendre son mal en patience et toujours vouloir sortir de ce plan. Comment, pourquoi vouloir sortir de ce plan? En tout cas, se préparer, se mettre en vibration. C'est ça, c'est ce qu'il y a des forces anti-hommes puis anti-vie qui cherchent rien d'autre que de nous faire sortir de. Ça dépend de quoi vous parlez, là. Mais à mes yeux, le plan matériel, c'est le terrain, comme l'arme aussi, c'est le terrain de guerre. Un enfant éteint est un enfant qui souffre moins. Oui, mais ça, en même temps, ça fait un enfant qui grandira moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Ça fait partie de la vie, là. On polarise tellement, on est tellement été habitué à polariser qu'on a perdu la capacité d'être, même ce qu'on l'a déjà eu, d'être réellement créatif. C'est-à-dire, quelqu'un de créatif,

prenez, il y a des gens dans le domaine là, du supramental qui ont eu des enfants. Puis ont eu des enfants qui étaient totalement le contraire d'eux. Les forces se sont arrangées d'une certaine façon. C'est comme des lois de logique. C'est comme des lois d'harmonie. Vous allez avoir un enfant qui va vous faire souffrir pas mal, ne serait-ce que par procuration, parce que vous allez voir votre enfant qui n'est pas bien, qui n'est pas heureux. Donc, ces choses-là, ça va s'acquérir. C'est l'individu. C'est l'individu qui prend les rênes de son expérience. C'est difficile de transmettre ça. Il y a par juste le fait, c'est les parents, le rôle des parents, c'est vraiment d'amener une stabilité, un milieu qui est au niveau de la petite enfance, qui est rassurant, qui est constant, qui est solide, qui est harmonieux. C'est sur les bases. Le parent donne des bases. Transmettre quelque chose là, à vos enfants, là, la plus belle chose que vous pouvez transmettre à votre enfant, c'est une individualité saine. Donc, ça ne donne rien de chercher trop à transmettre. La plupart des enfants, des gens qui ont été dans le supramental, ils ne sont pas là-dedans. Au contraire, ils ne veulent rien savoir de ça. Puis, ils en ont souffert. Puis, ils ne veulent rien savoir de ça. Puis, je veux dire, regarde, des fois, ça va prendre longtemps avant qu'ils se rendent compte, « Ah, mon père, il n'était pas si fou que ça. » Mais il risque, bon, c'est souvent comme ça, puis là, ça va être encore des tests, on peut dire, mais le test, il est tout le temps pour l'ego, c'est pour que l'ego voit quelque chose. Il y en a, ils pensent que les forces nous testent parce qu'eux veulent nous savoir, ils veulent nous tester pour voir si on est capable de, c'est à l'ego de voir, c'est pour lui le test, toujours. C'est l'ego qui souffre, c'est l'ego qui est dans l'expérimental, c'est lui qui est dans qui est obligé d'endurer la charge. Si on parle au niveau le Kali Yoga n'a pas pour but d'intégration au pluriel, le tri se fera organiquement, sans processus de l'intellect, votre énergie est le seul point de bascule. Il y aurait peut-être des petites nuances là. C'est parce qu'il y a certains processus qui peuvent au début passer par l'intellect. Avant d'intégrer, il faut voir, puis après réaliser, puis il y a son rôle à jouer aussi. On n'est pas pour... Pensez-vous qu'on a développé cette partie-là pour rien? Maintenant qu'il est développé, l'intellect, là, c'est de développer de quoi au-dessus, quelque chose d'autre. Mais le Kali Yoga, l'âge de faire, n'a pas pour but de l'intégration plurielle. D'une certaine façon, si on considère l'addition des individus, ça aboutit quand même à... Bon. Une chose qui est apparue pour que je renouvelle un programme, ça me cache le chat. L'enfant arrive avec sa propre programmation, et voilà. Mais, c'est pas parce qu'il arrive avec sa propre programmation qu'il ne va pas y avoir des jeux d'influence puis d'interaction. Dans le sens qu'il y a une responsabilité karmique filiale. Dans le sens, votre enfant, peu importe la programmation qu'il y a, de ne pas être simplement un milieu qui fait partie de cette programmation expérimentale-là qui va lui être imposée. De ne pas, pas en rester passif par rapport à ça. Puis dire, comme d'autres disent, nous ne venons pas au monde à nos parents. Dans le sens que occupez-vous pas de vos enfants, la vie va s'en charger. Oui, en partie, mais c'est toujours parcellaire comme vision. Un enfant totalement laissé à lui-même, ça a souvent exactement le même résultat qu'un enfant surprotégé. C'est très dangereux. Le milieu, oui, il y a un rôle à jouer. Ça fait partie de l'acquis. Fait que c'est pas tout l'inné, c'est pas toute l'intégration pour intégrer. L'affaire que je veux dire là-dedans, c'est de pas faire partie passivement de cette programmation-là en tant que contexte, puis de ne pas tenir compte de la responsabilité, la vraie responsabilité. Pour intégrer plus de lumière dans l'ego, il faut avoir expérimenté suffisamment de dualité et commencer à voir les jeux de la dualité. Ouais, ben si vous ne répétez plus les mêmes erreurs, comme des patterns, il y a une intégration. les jeux de la dualité. Ouais, s'il y a une dépolarisation du mental, oui. On finit par les gens très, très croyants d'une façon dogmatique, ils vont surtout penser, pour eux, tout va être vu comme telle personne est soit bonne, soit est mauvaise. Ou il y a des forces des ténèbres, puis il y a des forces de la lumière. Ça fait de certains croyants dogmatiques des initiés de la connaissance, parce que c'est les lois du damier. C'est jouer sur un damier, là, c'est les mêmes lois que les francs-maçons au fond. Donc, vous devenez l'alter ego de l'adversaire, puis bon. Ouais, le blanc va rester blanc, mais dans un damier, il est pris, le blanc tout entouré de noir. Puis pareil pour le reste, c'est bon. Ça fait partie de la polarisation. Mais c'est pas grave, il y en a que c'est sur leur affaire. Puis c'est pas. Quel serait le mandat du Québec selon toi, ceux qui parlent de ça sont tellement astralisés, mais j'ose croire qu'on est plus qu'une bande de cabochons, à quoi en dire, moi, ce que je pense aussi. Le Québec, là, il y a pas le choix d'avoir une certaine programmation, d'une certaine lourdeur à cause de son emplacement géographique, puis des immenses ressources extrêmement convoitées par toutes sortes de forces planétaires qu'il y a dans son sol. Juste là, on est. C'est pourquoi qu'on se fait maganer de même, parce que, bon. Mais je suis pas mal d'accord que, bon, il y a de l'astralisation, pas mal. Mais le Québec, c'est spécial, le Québec. Il y a des gens qui savent où est. Intérieurement, à un moment donné, ça m'avait dit, il y a des gens qui savent où est la tombe de Champlain, puis ils se réunissent à tous les 4 ans là. Ils le savent. Prenez Marguerite Bourgeois puis tout ce monde-là qui sont venus au Québec. Imaginez là, comment ces gens-là étaient déterminés. Quand ils arrivaient à la fin du voyage, l'eau dans les bateaux, l'eau douce qu'on pouvait boire, ça devenait de l'eau noire. Il fallait se pincer le nez puis avaler ça avec une cuillère. Ils ont amené des reliques qu'on ne sait pas ce que c'est parce qu'ils pensaient qu'ils canalisaient, si on peut dire, qu'il y aurait quelque chose par rapport à cette terre-là. Prenez Paul Chomedey puis Jeanne Mance. Elle avait des visions. C'était. En tout cas, la bande passante de l'esprit peut aussi augmenter. Oui, ce n'était pas ce que vous voulez dire par là. Mais oui. Mais l'esprit, vous savez, il n'est pas tout le temps ajusté aux réels besoins évolutionnaires de ce qui passe à travers les égos. Puis, ça ne fait pas de sentiment, ça, l'esprit. Puis, c'est intransigeant, l'esprit. Des fois, tes impressions sur la construction du troisième temple à Jérusalem. Or, ben, ils ont supposément retrouvé les cendres de la dernière vache rousse. J'ai bien de la misère à croire ça. Ils ont déjà tout refondu pour le nouveau mobilier. Ouais. Ben, franchement, qu'ils fassent, qu'on en finisse. Qu'on en finisse. En tout cas, l'Hexagone aussi avec ses circuits énergétiques géomagnétiques. Ouais. Ah, la France. C'est vraiment une terre, j'allais dire une terre de mystère, là, mais c'est pire que ça. Dans le sens que c'est pas pour rien que c'est du monde des Québécois, ils venaient de France. La Nouvelle-France. Pourquoi on disait que. C'est quoi le. Pourquoi il y avait le gallicanisme? Pourquoi Maurice Duplessis disait qu'il était marié à sa province? C'est quoi ces vieux atavismes-là? Ça vient de quelque part. Mais la France, pourquoi on disait que le roi de France était le roi très chrétien? Pourquoi il était plus chrétien que les autres? La France avait en son sein des choses extrêmement précieuses qui sont encore là, là. Ça devient complexe, là, tout ça. C'est drôle comment je détestais Legault et compagnie avant. Là, je vois un exécutant pathétique qui essaie de se convaincre lui-même avec son nationalisme de fromage en crotte. Et voilà. C'est pour ça que je dis, ils font pitié, ce monde-là. Mais il y en a, ils vont finir par le voir. Vous allez le voir. On a affaire à des petits clowns. On a affaire à des médiocres. Pour vrai, là, c'est réellement. Comment qu'il disait ça, Coluche, des gens arrivés premiers dans un concours de circonstances? Ben, ils sont à plaindre quelque part. Bonjour, j'arrive un peu sur le tard. Ben non, je viens de commencer. Ben, ça fait 40 minutes. Ah, qu'il le fasse, qu'on en finisse. C'est ce que je dis à ma blonde tout le temps aussi. Ben, qu'on en finisse. Qu'on en finisse. Je suis écœuré. Je suis écœuré de ces niaiseries-là. Quand il y a eu Dalfour, puis ces affaires-là, puis l'Angleterre, puis la création de l'État d'Israël, puis il était de joie dans l'idée de rebâtir le troisième temple, puis il était de joie à chercher les dernières cendres de la dernière fâche rousse. Mais qu'il fasse, qu'on en finisse, qu'on en finisse. On est plein de cul d'eux autres. Tanné. Tanné. Hey, Ravronchaya, là, il est de plus en plus, là. Ah, il est aveugle, tu pètes la tête sur le bureau. Il va finir par faire un trou. Ben oui, mais qu'on en finisse au plus sacré. C'est beau être comme un peu une horloge de l'humanité, si on veut. Mais là, à un moment donné, ça va faire. Là. Il va falloir arriver à. Tous les rabbins, là, quand ils parlent de ça, là, quand ils parlent, c'est peut-être la Troisième Guerre mondiale, ils sont de même. Ah, oh, hey, Hachem, Mishaïa s'en vient, puis OK. Ben oui, mais. Ils ont rien qu'à faire. Faites tchouva et père Kadosh, on verra. Non, pas le choix de. Je peux pas, on ne peut pas être contre l'implacable. Donc, la France est un pays franc-maçon qu'à la base, nous étions en gros les voilà. Ben oui, mais la France, ça vient. Ben, prenez. Ça vient d'où, ça? La franc-maçonnerie. Ça vient pas de la France. La Révolution a été. Quand qu'il y a eu, qu'ils se sont jurés de détruire la France, ben, la guerre de succession d'Espagne puis toutes ces affaires-là, ça a mis le feu au cul de ben du monde. Ils ont juré de détruire la France. Ils ont réussi. Dans le sens de détruire premièrement la monarchie, ensuite amener, vous savez, là, les Lumières, là, les idées des Lumières, l'humanisme, qu'on pourrait dire encyclopédique. Puis ça fait penser à un mouvement, comme un mouvement hippie mis par la CIA dans certains pays, là. La contre-culture, franchement. En tout cas. Bonjour, Thérèse. Plus capable des gens qui se laissent fasciner par l'ambiance, le mystère, les concepts, la 5D intégrée, de la clarté, et on a plein le cul de vos enfantillages. Moi. Oui, mais d'un autre côté, on ne peut pas forcer le monde. Oui, qu'on en finisse, effectivement. Ben oui. À un moment donné, ça va faire comme une vieille pièce de théâtre qui dure, puis qui dure. En tout cas, pourrais-tu en dire plus sur ce qu'avait en son sein des choses extrêmement précieuses qu'elles ont toujours? Au niveau d'une génétique, entre autres. Au niveau d'une génétique. Il y a des artefacts en France que c'est drôle, les ministères français qui sont censés mettre en valeur le patrimoine de la France sont pas intéressés par ces artefacts-là, sont pas intéressés par ces lieux-là. Pourquoi? Parce qu'ils contredisent l'histoire officielle. De toute façon, à toutes les 100 ans, eux autres, ils veulent refaire Notre-Dame, on dirait. C'est comme. Prenez les Américains qui regardent les films de Walt Disney, puis ils pensent qu'il y avait des gargouilles au Moyen Âge sur Notre-Dame, puis la plupart ont été mis là par vous savez qui. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle clique qui reprend le pouvoir, ils veulent reconstruire ils veulent mettre ça à leur goût. C'est une façon un peu. C'est comme en Égypte dans le temps, quand il y avait un nouveau pharaon. Ben, des fois, ils faisaient détruire les monuments du pharaon d'avant, ou ils faisaient enlever son nom à coups de ciseaux sur les monuments, puis ils faisaient mettre le sien. On a affaire à des cliques qui n'ont pas de. Ils n'ont pas de cohésion entre eux, ils sont en guerre entre eux. C'est spécial. Il y avait la France, je vous l'ai dit, entre autres. Il y a des choses, des fois, que bon. Je ne sais pas si on peut parler de ça. En tout cas, disons que il y a beaucoup de gens qui étaient nés coiffés par là. Vous savez, là, ce qu'il y avait avant la symbolique du bonnet phrygien. En tout cas, le mont Holmes Head est un lieu de pèlerinage franc-maçonnique au Québec. Oh, je ne savais pas. Je ne savais pas. Bon, il tripe sur les montagnes. Ça a tout le temps été. Bon, ça a un rapport avec. Bon. Les gargouilles ont été rajoutées. Ben oui. La certaine. Là. Vous ne savez pas ça? Il y a bien des. Peut-être pas celles qui servent à l'écoulement des eaux des toits. Ou les visages. Pas celles-là, je parle. Celles qui ont des formes. Qui ne sont pas sans rappeler ce que certains voyaient sur les plans des créatures. Dans le temps, là, au 19e siècle, il y en a, ils prenaient de la drogue, ils voyaient toutes sortes d'affaires. Pour la gang, là, le docteur en cause, puis son église gnostique de France, puis tout ce monde-là, eux autres, ils aimaient ça, prendre de la drogue, puis ils voyaient toutes sortes de. Bon. C'est pas mal, ça ressemble pas mal à ça. C'est les bébites qui. J'étais petit, le symbole m'énervait, et aussi les gens qui se réfèrent à des intermédiaires au lieu d'avoir un contact direct. Le supramental a confirmé beaucoup de mes instincts. Voilà. L'affaire qui va faire qu'il y a des gens qui vont être intéressés par le supramental, c'est pas au niveau de croyance, c'est pas au niveau non plus comme que c'était des gourous, c'est plus par rapport parce qu'il y a des choses qu'il y a personne qui a jamais dit, puis on finit, on est tout seul avec ça. Quand on se rend compte que d'autres l'ont vu, on se rend compte qu'on n'est pas fou, ben on le savait qu'on n'était pas fou, mais là on a une confirmation. Donc, bonjour Taranis. En parlant d'artefacts, que penses-tu de certains écrits, notamment la Pistis Sophia? Oh. Moi, ben, si vous voulez qu'on retombe dans des choses comme ça, puis le gnosticisme, puis. Mais ben franchement, imaginez là, comment c'est long et fastidieux de faire tout ça. C'est un peu pour les raisons pourquoi il y a certains textes que je n'ai pas envie de lire, parce que je me fais corriger à mesure. Puis là, ça n'arrête plus. Il y a tout le temps quelque chose, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses, puis d'autres choses. Ça finit jamais. Je n'ai pas envie de. Mais toutes les vieilles notions philosophiques ne sont pas mauvaises en soi. On polarise au niveau d'opinion, puis on se dit, oh, mais si on regarderait au-delà de la forme, comme vous me dites en parlant de ce que penses-tu de. J'ai pas à penser. Juste voir. Je vois qu'il y a de tout. Puis que, mais je vois que la forme, des fois, est inadéquate pour les capacités d'entendement de maintenant. Vous savez, les mystiques, c'est des mystiques. Puis le mystique, lui, il va aller au-delà de la perception linéaire normale. Il est dans une. Donc. Qu'est-ce qui explique qu'un enfant voit certaines choses et d'autres non? Il y a beaucoup de choses, mais c'est lié à sa sensibilité. Ça, donc, il y a de l'inné et il y a de l'acquis là-dedans. Donc, ça peut être lié, entre autres, à son milieu, son vécu, mais sa génétique aussi, ses prédispositions. C'est la même chose que n'importe quoi d'autre. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est plus de talentueux pour la musique qu'un autre? Il y a une sensibilité vibratoire ou à l'harmonie. Il y a une sensibilité esthétique. Son âme vibre à la musique. Donc, qu'est-ce qui implique qu'un... Bon, sur certaines vieilles habits, il y a des griffons au démeu. Moi, c'est des symboles souvent liés à l'alchimie. Mais là, c'est là que ça devient tannant. Là. Tout peut être récupéré tout le temps, dans le sens que, bon. Mais il y a aussi que ça dépend, là, si c'est un abbaye qui avait été construit qui avait été financé par certaines familles, puis ça faisait partie de la symbolique de leur blason. Puis bon, ça peut arriver aussi. Salut, Marius. À quel... oui, je suis d'accord. Merci pour ta réponse. Ah. C'est à propos de quoi? Ah oui, la piste, moi. Le réel est là qui nous parle pourquoi déterrer d'interprétation de Jean Mort est probablement astralisé, inspirer la rose, au lieu d'aller voir l'entrée dans l'encyclopédie de Diderot. Ouais. Ah, les encyclopédistes. Ben. Même, comme je vous dis, de se servir du négatif, ça n'a pas été nécessaire. Ça n'a pas juste été mauvais. Comme révolution au niveau des. Il reste que, bon, Diderot d'Alembert. Puis vous prenez, il y a même eu quelques articles écrits par Rousseau, je pense. Mais prenez ça, puis voyez-le comme du positionnement intellectuel, philosophique. C'est ce que c'est. D'ailleurs, prenez la querelle des encyclopédistes qu'il y a eu par rapport à les chicaneries entre Voltaire et Rousseau, entre Rameau et Rousseau. Rousseau est quelqu'un qui en voulant un qui était trop sensible. Puis Voltaire en voulant un qui ne l'était pas assez, peut-être. Aveuglé par son orgueil intellectuel. Les lumières de sa propre raison qui font fait un acte déraisonnable souvent. Fait que toutes ces vieilles affaires-là. Aux Invalides, c'est incroyable. Je pense que Rousseau et Voltaire sont dans le même caveau. Ils se font face. Imaginez ça. C'est comique. C'est un drôle de dénouement. J'avais des discussions près du supramental avec mon père, sans le savoir. On s'est éloigné et là, je sens que ce genre de discussion le menace. C'est bien ça que vous avez voulu écrire. La pandémie a marqué un tournant, moi. Ben, quand on arrive à un certain âge, puis qu'il y a certains... Il y a certaines choses qui sont activées par rapport aux peurs, entre autres. Soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire, votre peur, soit il se rend plus compte qu'avant, soit il se rend moins compte qu'avant. Se protéger. Mais des fois, j'essaie de me rappeler les discussions que j'avais avec mon père, puis je ne me souviens pas. C'est dernièrement, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Ah, nos discussions, c'était des moments précieux, mais je me souviens pas. Je me rappelle pas. » C'est un peu comme si on m'avait pris... En tout cas, j'ai perdu beaucoup de choses dans ces processus-là. Heureusement que j'ai pu... la sensibilité de donner de la valeur à ça, je ne peux plus. Je ne m'en souviens pas. Mais les discussions que vous aviez avec votre père, c'est sûr que ça va avoir eu une incidence sur lui, sur vous. Puis là, l'effet de s'éloigner par rapport à l'ambiance, à ce qui se passe. C'est certain que ça fait un tournant. En autant que vous n'êtes pas... En autant que vous n'êtes pas en chicane. Là. Puis, c'est pour ça que je disais à un moment donné d'être plus indulgent. Moi-même, je ne suis pas très indulgent, mais je le recommande. Souvent, je vais recommander des choses parce que l'info, je la parle parce que c'est pour moi aussi. Donc, mon père aussi, il était plus ouvert avant la pandémie et maintenant, c'est difficile de discuter même de sujets banals. Il est carrément hypnotisé. C'est, entre autres, ça marche avec la peur, ça marche avec la crainte. Réfléchir sa peur. Puis c'est pour se protéger du réel. À un moment donné, soit ils vont endosser un narratif, soit le rejeter, mais ça dépend de la nature. Vous savez, là, quand on pogne 70 ans, là, maintenant, on est plus faible un peu, on redevient un peu. Il y a certains aspects au niveau psycho-affectif qui reviennent de l'enfance, on dirait. Qui reviennent. On se sent plus vulnérable, puis c'est comme moi, en vieillissant, j'ai eu une phase où j'étais bien quasiment rendu insensible d'une froideur totale, puis là, avec l'âge, je redeviens plus sensible, puis je redeviens plus vulnérable, certaines choses. J'avais plus de peine. Puis là, tout d'un coup, il y a des affaires, ça me fait de la peine. On dirait que des personnes meurent avant le temps pour nous permettre d'intégrer leur départ éventuel. Je ressens ces choses aussi durement qu'un deuil réel. C'est un deuil réel. Il y a un processus, là. Il a été attrapé par les forces astrales de cette pandémie. On finit tout le temps par... Souvent, là, ça va me dire, on va finir par t'avoir. OK. On verra. En ce moment, ça secoue dur et beaucoup, on en meurt et l'âge du lest. Oui, ben c'est sûr. Imaginez la tension que c'est depuis 2 ans et c'est là où ça me fait de la peine. Parce qu'imaginez pour un enfant comment c'est une éternité, l'incidence que ça va avoir. C'est pas parce que je comprends certaines lois que j'aime ça. Donc, oui, je suis consciente de ça. Il a 72 ans. Je crois que mon père s'est dit que bientôt il ne sera plus là. Donc, à quoi bon se battre pour ce qui est juste et bon? Justement. C'est parce que là, ça peut avoir une incidence sur lui en tant qu'âme après. C'est pour ça que ça vaut tout le temps la peine. Ça vaut pareil, là, ça dépend. C'est juste qu'il faut avoir du discernement dans nos batailles. Comme Nietzsche qui sanglote sur un cheval. Ouais, mais Nietzsche, vous savez, il avait quelques petits problèmes de santé. Puis la syphilis, ça peut atteindre le système nerveux. Ça atteint le. Lui, il allait dans. L'été, quand il allait en vacances en Italie, il allait se magasiner des maladies vénériennes. Puis bon. Puis à un moment donné, le système nerveux, c'est comme je vous dis, c'est un effondrement nerveux, ça, Nietzsche. Puis oui, il a ramassé le cheval par le cou, puis il pleurait. C'est épouvantable quand on y pense. Puis finalement, quand il était rendu un peu redevenu comme un enfant, presque, sa mère et sa sœur, au fond, c'est comme si inconsciemment, c'est ça qu'elle voulait, qu'il redevienne un petit enfant. C'est aussi terrible que ça. Quand je dis imaginer pour un enfant, je me fais répondre, ils sont plus résilients que les adultes, il faut en faire un jeu. Si je deviens enragé, ben je comprends donc. C'est parce que ça ne marche pas, là. C'est parce que ce qu'ils vivent maintenant va influencer les adultes qu'ils seront. Puis de la résilience, ils n'auront. Ça va être autre chose. Ça risque même d'être de la plaventrice, puis du fatalisme. Les conséquences d'une génération d'enfants masqués seront tristes. Oui, mais il y en a là-dedans. Ceux qui en ont souffert le plus, ils vont faire des adultes encore plus allumés. Il y a tout le temps des exceptions qui confirment la règle, on peut dire. Fait que c'est un petit peu sur eux que... J'en ai deux enfants, croyez-moi. Je fais tout ce que je peux. Mais c'est pour eux que je bascule dans le chagrin. Ben, c'est sûr que ça nous rend vulnérables, les enfants. Moi, j'en ai pas eu, puis pourtant, ça me... peux-tu nous parler des émotions? Ben oui, les émotions, c'est de l'énergie. C'est lié à votre âme, c'est de l'énergie, c'est lié aussi à des structures animales, si on peut dire. Donc, c'est ce qui nourrit les programmes, votre émotion. C'est de l'énergie. Mais c'est pas conscient. En tout cas, je sens que ma mère voit tout ce qu'on voit, mais elle évite habilement le sujet parce qu'elle n'a pas le support de mon père qui veut regarder ailleurs. Oh, ouais. Oh, ça m'attriste un peu ce que vous me dites là. Ben bon. Votre mère a choisi un compromis. Puis elle garde la paix dans son ménage comme ça. C'est pas fou. Je veux dire, on ne peut pas la blâmer, votre mère. Dans le fond. D'un autre côté, bon, elle évite habilement le sujet. Y en avez-vous parlé à part? Mais peut-être que c'est un vieux couple, hein, puis des fois, c'est dur d'en prendre un à part. Ils viennent tout le temps. Il y en a là, qu'ils ont juré au pied de l'hôtel là, que c'était, puis ils suivent. Bon, écoutons. Mais non, on ne peut pas blâmer votre mère. Elle fait un compromis, elle est indulgente. Sinon, ça va faire une séparation de plus. C'est plus le temps, elle est rendu vieux. En plus, votre père, admettons que sa femme. Ça aurait un bonhomme de cet âge-là qui a été marié toute sa vie. Souvent, la bonne femme s'en va, la santé tombe, puis c'est pas long. Hein. Avant de venir sur cette terre, nous avons choisi nos parents, n'est-ce pas? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Puis bien franchement, avec vous, je pense plus que ça va selon son appointement. Puis qu'il y a des lois vibratoires de sympathie, d'harmonie, puis de programmation. Je n'irai pas jusqu'à dire on a choisi au sens où un ego pense avoir un libre arbitre, là. Mais d'une certaine façon, oui. Il semblerait que oui. Si c'est le cas, c'est là qu'on voit que avant de l'incarnation, c'est pas pareil. Là. Parce que souvent, bon, en tout cas, une fois qu'on le vit, c'est pas pareil. Hein. Dans ces exploits matriciels, je vois toujours de l'espoir dans ce sens où je vois plus de lumière qui grandit chez les gens. Ouais. Moi, je vois les deux phénomènes simultanément. Dans le sens, il y a des gens que c'est la lumière qui grandit, puis il y en a d'autres, c'est pas ça. Puis il y en a que ça alterne. Mais il y a une grande majorité, là, je suis pas sûr que c'est la lumière qui rentre. Là. Sinon, ça serait impossible, la situation comme on la vit, comme on va revivre cet automne aussi. Puis ce qui s'en vient, qui va être probablement pire. Puis sans parler de tous ceux qui vont porter le chapeau pour ça, puis qui, pourtant, pour avoir poussé un peu plus loin, ma mère me dit qu'elle est âgée et qu'elle ne veut pas se battre. Ça me rend triste. Ben, c'est un petit peu normal. Auriez-vous envie, vous, de vous battre rendu à bout d'âge? Non. Ben franchement, rendu à un certain âge, on retombe dans une vulnérabilité où, au niveau de lois naturelles, on serait supposé recommencer un peu comme dans l'enfance, avoir un entourage qui nous protège puis prend soin de nous. C'est des choses. L'être humain, en devenant de plus en plus physiocrate, si je puis dire, a commencé à voir les gens âgés comme des sources de dépenses puis des sources de. Alors que ça n'a aucun sens. Reprenez Jacques Attali qui parlait d'euthanasie les gens à 76 ans. Mais lui-même, il a dépassé ça. Pourquoi il ne se suicide pas? Ah, parce que lui, il n'a pas fini sa grande mission. On délaisse les gens âgés puis on délaisse les enfants. Ça va faire des enfants qui plus tard vont continuer à pas. En tout cas, prenez les maisons des aînés à Lego. Puis avec le prix des matériaux, lui et sa gang de chums, là. Je te dis que ça va y aller par là, hein? Ouais. Pour avoir moqué, le gouvernement exploite cette vulnérabilité. Et voilà. Ben, c'est certain. C'est qui a fait élire Legault? C'est pas du monde de 20 ans. Ah! Puis, en même temps que les politiciens veulent toujours exploiter la naïveté des plus jeunes, prenez Mario Dumont dans le temps de la DQ qui voulait mettre le droit de vote à 16 ans. C'est la seule façon que la DQ rentre. Parce que les petits vieux ne l'aimaient pas assez. Et voilà, c'est souvent le même. En tout cas, ils dominent démographiquement par le vote et leur apathie, qui est collaboration dans l'effectif. Moins. Mais de ne pas trop blâmer, vous savez, là. Être venu au monde dans le même contexte, avec les mêmes programmes, avec on ferait pareil, dans le fond. C'est quasiment fortuit, c'est quasiment un tour de force quand quelqu'un sort de... Excusez si je suis dark, bon, pas de problème. Mais les gens âgés, malgré tout ce qui est arrivé dans les CHSLD, ils continuent à dire, ben le go, il a sauvé le Québec. Puis chose, ben, Marguerite Blais, a l'air insatisfaite, comme ça, à toute place en va. Puis ils s'en vont tous, hein, une méchante gang qui partent. Et le chapeau va y suivre maintenant, là. Ça, c'est pas parce que tu prends ta retraite puis qu'on se vote des lois qu'on n'est pas imputable, oubliez ça, il y a d'autres lois sociales là, qui vont embarquer si jamais il y a un soulèvement. Ça tiendra plus. En tout cas, j'aurais cru que ce serait levé pour leurs petits-enfants. Déçu en calice, méchant d'intégration. Ouais, mais regardez, est-ce que les parents se lèvent tant que ça? C'est aux parents qui c'était à la génération qui est en âge, qui est dans la fleur de l'âge, dans le fond, ou en bouton d'âge, dans le fond, à protéger les tout petits puis les gens âgés. Mais au Québec en particulier, on ne les aime pas, les enfants. Les gens âgés non plus. Donc, bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, les gens âgés? En plus, ils sont dans un état de vulnérabilité. Souvent, ils sont pleins de médicaments qui leur altèrent un peu. Les... C'était moi, ceux qui me déçoivent, c'est le monde de 35 à 55 ans. C'était eux autres, là. En tout cas, quand on vote, on donne notre souveraineté. Ouais, mais là, ça dépend dans quel système qu'on est. L'opinion publique va changer avec le texte qui a été enlevé dans le journal de Montréal hier. Ah ouais, oh, je sais pas pourquoi vous faites référence, je lis pas bien, bien. T'as raison, les parents ne se sont pas levés. Je passais pour un ahuri après auprès de mes voisins avec des enfants. Il y a, vous savez, là, il y a tellement de choses qui embarquent. Tellement de. Juste sur le principe d'altérité, la psychologie, les. Bon. Les enfants d'aujourd'hui sont plus forts qu'ils n'y paraissent. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. De votre point de vue, est-ce qu'on est des êtres de lumière pour amener la lumière sur une planète ou on est là pour l'expérimentation? Les deux. Mon mari et moi, on se lève pour nos enfants. Bon, excellent. Puis si vous pouvez contaminer d'autres parents, là. Je me dis parfois que l'apathie des Québécois durant la pandémie peut aussi devenir une forme de protection dans le futur. Moi, ça dépend de quoi on parle. Les CHSLD se sont fait remplir jusqu'à 2025, donc préparés. Automne chaud. Puis... Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Mais il reste que les enfants d'aujourd'hui sont pas différents globalement. Un enfant est un enfant. Oh oui, c'est des individus, les enfants. Vous voyez pas ça? Il y a une... Quand vous parlez à un enfant, vous observez un enfant, là, il y a déjà un adulte qui est là, il y a déjà l'adulte en germe, il est déjà là, il y a déjà une individualité, il y a déjà un individu. Puis quand je vous dis c'est du cas par cas, les enfants ne sont pas tous de la même essence, si on peut dire, au niveau de leur sensibilité, puis aussi au niveau qu'est-ce qui va les mettre en mouvement ou pas. Moi, je trouve qu'ils ne sont pas tous pareils. C'est comme les adultes ou les gens âgés. Puis même, moi, je trouve globalement pas mal différent quand même. Pas différent des enfants d'hier, je voulais dire. Je sais. Le contexte est différent. Le contexte est différent. Donc, la programmation de base n'est pas différente. Les mécaniques de base ne sont pas différentes. Mais l'expérimental est très différent. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je pose une question, c'est trop évident pour vous. Oh, peut-être que vous saviez comme moi, il n'y a rien d'évident à mes yeux. Le texte de Patrick Poivre, le véritable portrait de la COVID-19 au Québec. Oh, j'ai pas vu. Quand je parle d'enfants, je parle d'hommes qui sont en incarnation en ce moment. Bien sûr, c'est moins cas par cas. Ben oui. Ouais. Ben souvent, l'enfant, on va le voir comme, justement, on le voit comme un enfant, dans le sens que on va pas voir, c'est une personne. On va pas voir l'individu, la personne, dans l'enfant. C'est un sérieux problème, ça, moi, que j'avais remarqué à l'école, étant enfant. Puis, d'ailleurs, ils ont eu pas mal de misère avec ça. Ils ne comprenaient pas tout le temps quelqu'un qui est capable de te répondre du tac au tac, puis tu ne sais plus quoi dire, là. Puis tu es obligé d'admettre que oui, c'est peut-être niaiseux ce qu'on te demande. Ça devient difficile à gérer, tes enfants de même. J'en vois avec des consciences très puissantes dans cette société. Oui, c'est comme je vous dis, il y a de tout. Je vois de. C'est que quand les gens font référence aux enfants indigo, différents avant même d'arriver dans un contexte, ça m'écœure, ben moi aussi. Oh, j'en ai plein le cul de ces niaiseries-là. Là, ça va faire, là. Hey, là, Chris, là, ça va faire, là. Est-ce que je suis tanné de ça, ces affaires-là? Les enfants indigo. C'est un petit peu, prenez Daniel Kemp, l'enfant Teflon. disait pas les enfants Teflon, l'enfant Teflon. Donc, ça va être un individu, ça. C'est pour ça que le Teflon, tu sais, il n'y a rien qui accroche, tout glisse dessus. Déjà là, là, on est plus en voiture un peu que les enfants indigo. Que là, on est dans quasiment de la doctrine. Moi, j'aime pas bien ça, moi, ces affaires-là. C'est apparu en même temps, ça, que les histoires que quand ils sont arrivés là, avec l'hyperactivité, puis ils se sont mis à. Vous avez un camp qui est apparu avec l'hyperactivité qui voulait médiquer les enfants. Alors que s'il y a des enfants hyperactifs, c'est tout simplement parce que. On ne leur apprend pas à canaliser adéquatement leur énergie puis à se centrer. Puis finalement, est apparue en même temps l'idée des enfants indigo, qui est comme l'autre subjectivité totale, là, qui est comme l'enfant Teflon, Daniel Kent, même je ne l'ai pas lu ces deux livres, l'enfant Teflon, mais ça, c'est plus. Je comprends ce qu'il veut dire. Si je regarde ça, je ne peux pas définir que j'étais un enfant indigo, mais j'étais Teflon en maudit. Dans le sens qu'il n'y a jamais personne qui a réussi à me casser. Puis ce que je pense, ce que je voyais dans ce temps-là, je le vois encore. Puis il n'y a jamais personne qui a réussi à me faire ma gueule. Au contraire, j'ai tout le temps pris ça comme un encouragement. Moi, le monde qui veut me faire taire, je lui crie après. Plus quelqu'un veut me faire taire, plus j'ose le ton. Ça a tout un réflexe. Et devient. Des fois, par contre, ça fait du monde un petit peu difficile. Bonjour. World War II? No. Cela fait combien de temps maintenant que tu fais ces lives? Est-ce que ce format question-réponse te satisfait? Je le fais pas pour une satisfaction, plus comme un exercice. Mais oui. Oui, ça me satisfait quand même. Ça fait combien de temps ça fait? Je pourrais pas vous dire. Je me souviens plus. À mon sens, les enfants indigo sont les gens entre deux cycles, entre le noir et le blanc. Moi. C'est dans la pensée colorée, si on peut dire. Dans le sens que on n'est pas loin d'autres affaires, là. Je sais pas. Mais vous avez pas tort au sens où il y a une affaire de fréquence et de longueur d'onde au niveau des couleurs. C'est peut-être pas fou. À mon bon. Je vois souvent des parents en extase devant l'indogoïté de leurs enfants et je constate que cette attitude parentale, ça crée surtout un petit crise. Moi, c'est du cas par cas encore, mais ben franchement, c'est drôle comment les parents souvent vont avoir... Ils vont avoir les enfants qu'ils méritent. Puis la façon qu'ils agissent plus tard, ça a des conséquences. Il y a bien des personnes âgées là, qui sont bien découragées de ce que leurs enfants, de la façon qu'ils agissent. Sur d'autres chaînes, j'ai vu que certains mettent par exemple un lien StreamYard pour inviter les gens du chat à participer au live. Le dialogue vibratoire ne te manque-t-il pas? Je ne saurais pas comment faire. Ben, franchement, il faudrait que je me penche là-dessus. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui est très techno. Pas tant que ça. Là, même là, c'est quasiment dangereux de dire ça, là. Mais il risque. C'est pas par. Je suis capable de l'être quand c'est le temps, mais c'est plus par. Moins, peut-être. Mais ben, franchement, non. J'ai jamais. Je ne saurais même pas comment faire. Il faudrait que je regarde ça. Que je regarde comment faire. Mais le dialogue vibratoire ne te manque-t-il pas? Du dialogue vibratoire, j'en ai assez de même. Le dialogue, ça peut être interne. Hein? Puis en ce moment, j'en ai même plein le cul des fois. Mais ça me tente aujourd'hui de faire un live. Ça me fait du bien. Je suis toujours content d'échanger avec les gens. Mais... Je ne sais pas. Moi, la dernière fois que j'ai voulu qu'il y ait des exercices à la parole par rapport à des dialogues, les gens que je leur proposais, ça n'avait pas l'air des intéressés. C'est plus, vous savez, les gens qui sont beaucoup dans l'âme, souvent, là, ils s'identifient trop à leurs paroles ou ils s'identifient trop à des pensées, puis ça devient difficile. Ça devient difficile parce qu'il faut tout le temps réajuster. ça devient compliqué. Puis à un moment donné, bon, je n'ai pas. En tout cas. Mais par rapport à d'autres affaires, vous n'avez pas d'autres sujets, vous n'avez pas d'autres. Je pense que je vais aller dîner bientôt. J'ai perdu de l'appétit beaucoup. Depuis que mon petit jardin a été rasé, j'ai perdu un petit peu d'appétit. Je mange pas mal moins. Vous allez peut-être me voir remaigrir un petit peu. Ben, juste ça, je ressens moins le besoin de manger. Mais il reste que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de manger. En tout cas, j'ai plus ben ben de plaisir. J'ai pas ben ben de fun en ce moment. J'ai pas ben. Il y a tellement de casse-tête que puis j'haïs ça, moi, penser. J'aime pas ça. Je dois quitter. Merci beaucoup pour tes réponses. À bientôt. Bon, ben, au revoir à vous. Donc, par rapport là, des collaborations futures, je ne sais vraiment pas ce qui m'attend, là, mais vraiment pas. Mais ça pourrait aller vite. Ça pourrait aller rapidement. Ben, c'est dans ce site-là, je reçois des coups de pied dans le cul. Puis pas à peu près, là. Puis, bon, par rapport au fait que, ben, tant qu'à faire, tu sais, tant qu'à être dans la marge jusqu'au cou, tu sais, c'est aussi bien de travailler avec. Arrives-tu encore à gérer ta boîte mail? Les échanges sont assez stimulants, je veux dire, stimulants, moi. Ben, l'affaire, c'est que j'y suis allé, je pourrais pas dire ça fait combien de temps, j'ai répondu à tous les courriels, puis je suis pas retourné depuis. Mais oui, j'y vais encore. Arrives-tu encore? Oui. As-tu déjà pensé te sortir de ton contexte de façon radicale? Est-ce que ça pourrait vraiment être pire? J'ai souvent sorti de mon contexte de façon radicale. Puis, non, c'est pas si pire, là. Faut pas faire de suppositions. Non, l'affaire me sortir de façon radicale, ça dépend qu'est-ce que vous voulez dire par ça. Parce que radical à la base, ça veut dire racine. Donc, se déraciner, ça serait reviendrait à ça, changer de contexte de façon radicale. Puis moi, ben, c'est pas parce que je reste à la même place que j'ai des racines. Autre pays, non, jamais. Même si le Québec deviendrait la pire place au monde, puis que je resterais quand même au Québec. Non, jamais. Jamais je changerai de pays. De toute façon, c'est pareil partout en Occident. J'ai pas envie d'apprendre de nouvelles langues. Puis j'ai pas envie d'apprendre à faire. Vous savez, à un moment donné, il faut s'adapter à un nouveau système. Puis avez-vous vu comment c'est difficile juste trouver un passeport? Juste aller renouveler un passeport au Québec. D'ailleurs, c'est fédéral, ça, puis c'est au Québec le pire. Ça va tout le temps être le pire au Québec, même ce qui est de juridiction fédérale, mais un autre pays. Où voulez-vous que j'aille? Non, ça m'intéresse vraiment pas de changer de pays, même pas pour des vacances. Je comprends la perte d'appétit suite à l'événement, mais faites attention à vous quand même. Je vous envoie des ondes positives. Bon, ben merci. Mais vous savez, moi, les ondes de porter à prendre à me nourrir d'ondes qui viennent de par qui viennent pas de par en dehors. Pour info, en tout cas, de ce que j'ai vu, StreamYard est très simple à gérer. Il y a plein d'autres outils différents adaptés aux convenances de chacun. Moi, ben franchement, j'ai tellement pas d'intérêt pour tout ce qui est technique là. Peux-tu nous parler des races racines que tu parles de temps en temps? Ça m'intrigue. Les races racines, c'est un concept très ancien qui a rapport avec ce qu'on a appelé la tradition primordiale. Puis c'est les théosophes qui ont ramené ça en Occident en premier. Puis après, il y a eu des affaires comme des affaires proches de la cosmogonie du rang sur des affaires de même. Puis par après, bon, ben, ça a été parlé par des gens qui étaient intéressés au supramental. Mais pas, je ne parle pas nécessairement à Bernard de Montréal, mais d'autres affaires qu'il y a eu avant. Puis, je vais lire quand même ce qui est. Je ne comprends pas cet attachement si fort à un pays. Pour moi, ça a la famille en premier. Ben, non, moi, mon attachement au pays n'est pas lié à de l'affectif. Il est lié à une programmation qui est liée à ce que je, des choses que j'ai à faire. Un petit, ok, les races racines. C'est que l'humanité, il y a eu des, ce qu'on appelle, il y a des âges, des ères, des choses comme ça. Puis ça va par coup, par succession. D'ailleurs, si vous regardez, les paléontologues ont beaucoup de difficultés à comprendre comment il y a un basculement de eux-mêmes au niveau de leur propre théorie, comment il y a des basculements brutaux. Il y a des âges différents. Les races racines, c'est que l'être humain est pas simplement un être animal. Donc, la colonisation des corps sur une planète, ça se fait progressivement, puis il y a des ères successives. C'est ça, les races racines. Il y a des âges successifs, pas les, des, même les âges passés. Le bordel pour avoir un passeport papier, allons-y numérique. Vous avez compris la raison pourquoi ils font exprès. Puis ils vont tout le temps peser plus fort pour numériser le Québec que le reste. En tout respect, cela dit. Ah, ça m'intéresse. Ah oui. En tout cas. Mais l'affaire des races racines, c'est que l'être humain, il est l'homme réel, c'est pas un corps animal. L'homme réel, c'est une manifestation de l'esprit à travers ce qu'on a appelé l'âme, puis ensuite le corps. Donc, il y a eu différents stades où l'être humain va, si on peut dire, de plus en plus densifié au cours d'incarnation dans des corps, il va être de plus en plus proche de la matière. Donc, il y aurait eu des races racines dans le passé. La première, la deuxième, c'est des, quasiment des êtres désincarnés qui habitaient quand même la planète en tant qu'intelligence. Sans tomber dans des affaires comme on a vu avec... qui s'appellent les autres, là, la scientologie, puis ces histoires-là, là, ça n'a rien à voir. Même si on peut soupçonner qu'il est inspiré un peu de ces vieilles traditions-là qui étaient orales. Orales, ça vient de loin, hein, l'histoire des races racines. Entre autres, au niveau oral, dans certaines formes d'animisme ancien, mais on retrouve les mêmes choses un peu partout sur la planète, les mêmes traditions orales. Puis, comme ça, il y a des races qui, ça correspond à des âges de la planète. Comme par exemple, sur une planète où l'atmosphère est différente, ou si la pression est différente, l'esprit humain ne va pas s'incarner de la même façon, dans des corps de la même façon. Puis, je le sais que ça a l'air gros, moi-même. Je ne crois pas vraiment à ces affaires, là, pour être franc avec vous. Mais l'affaire, la troisième race racine, ça aurait été une race qui était semi-dense un petit peu. Qui à un niveau, vous voyez ça comme des niveaux fréquentiels différents. Puis plus la planète avance, elle change de cycle. Ben, comme il y en a, il y aurait dit longtemps, là, on serait rendu à une quatrième lune. Puis là, on serait dans un cinquième cycle de la planète. Puis là, on serait sur le bord de passer cinquième à six. C'est-à-dire qu'il est supposé avoir à la fin du cycle des cataclysmes. Entre autres, qui vont faire qu'il y a une grande partie de la cinquième race qui va se désincarner. En tout cas, ça vous intéresse, ça, la cosmogonie d'Urantia? Moi-même, je n'ai jamais lu ça. J'en ai quelques notions, simplement, parce qu'il y a des affaires que je le sais. Que je sais qu'ils parlent de ça. Je le sais parce que je le sais. Je ne pourrais même pas vous expliquer comment je le sais. Il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais lues, puis je suis au courant. Il y a beaucoup de choses qu'on ne m'a jamais parlé, puis ça me vient, puis j'en peux en parler. L'autre jour, maintenant, je parlais là, les minéraux, puis par après avoir mis en ligne la vidéo, j'arrêtais pas d'aller voir, faire des recherches, voir si ça a-tu de l'allure ce que je dis. Je suis en train de fabuler. Puis non, c'était tout correct. C'était tout correct, mais sur le moment que je le dis, je ne sais pas. Mais bon, c'est pour ça... comme maman, j'ai parlé un petit bout de temps, les mystères orphiques, puis j'en ai tellement dit que j'ai coupé une partie. C'était trop, là. C'était trop. On ne peut rien y changer, donc inutile de résister. Ça sonne comme de la manipulation. Ben non, c'est pas ça l'affaire, là, mais... Vous savez, la passivité, c'est quoi ça? C'est l'âme humaine. Il y a l'ego aussi. L'ego, lui, est en réaction. C'est une forme de passivité, c'est-à-dire on n'est pas créatif. On n'est pas créatif. Donc, ben, à un moment donné, va falloir arrêter de se dire qu'on ne peut rien changer dans le sens qu'il faut être créatif. Ce n'est pas l'affaire de changer de quoi ou de rien changer. parce que c'est de la polarisation, ça encore. Être créatif, c'est pas se battre pour changer de quoi. C'est pas non plus, c'est différent, ça va de soi. Il n'y a plus de lutte, ça se fait tout seul. En tout cas, je ne sais pas si vous voyez là, ce que. Oui, densifiez-moi. Vous avez lu le livre durant ça? Ben non. Ben non, je n'ai pas lu ça. Pas besoin. J'ai pas lu non plus les affaires de la Blavatsky. Je n'ai pas besoin. Les Danny Besant. Je n'ai pas besoin de lire ça. C'est pour ça, là, je vous dis, les initiés de la connaissance, c'est quoi la différence entre la connaissance et le savoir? Pourquoi il y a une guerre entre les deux? Pourquoi c'est inégal, d'ailleurs, comme guerre? Parce que le contexte appartient au petit Joe connaissant, la connaissance, mais la vraie lumière, c'est une affaire de savoir, puis c'est pas gérable, ça, par un ego. Ça passe à travers, on se fait gérer. Fait que, bon, puis là, tout ça pour qu'un jour, la gestion se transfère, on devienne créatif. On n'aura plus besoin d'aller se référer, à part pour des exemples, à part pour servir de la forme, puis être... mais on n'est plus censé avoir à lire tout ça. Si, pensez-vous que je passe mon temps à lire tout ou que je passe mon temps à m'intéresser à tout? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des choses, je le sais, parce que je le sais. Des fois, les gens, ils vont me parler, « Ah, t'es-tu au courant de telle affaire? » Puis là, je dis, « Non, je ne suis pas au courant. » Puis là, ça rentre, ça commence à rentrer. « Ah, ça ne serait pas telle affaire. » Puis... c'est pas un mode de... je ne suis pas dans un mode normal, là, c'est pas de l'intellectuance, on peut dire. C'est pas comme disait Daniel Kemp, là. Ça aurait été mieux comme terme, peut-être intellectualité, mais il va y avoir une raison pourquoi il n'a pas pris cette forme-là. À un moment donné, il me semble que tu avais acheté un appareil en lien avec les basses fréquences, quelque chose comme ça. Nous en parlerais-tu? Ah non, vous parlez peut-être des affaires à ondes courtes. À un moment donné, je me suis acheté une radio à ondes courtes, puis je me suis amusé un peu avec ça, c'est tout. C'est tout. En tout cas, as-tu constaté de la créativité digne de ce nom au Québec, à part les jumelles ailées du 11-11-11? Bon, ça, c'est de la créativité, selon vous. Savez-vous que au niveau de différents... 11-11-11, ça, c'est une porte... en tout cas, c'était... eux autres, ils voyaient de quoi de lumineux là-dedans. Mais 11, c'est date. L'abîme infini, entre autres. Ouais, je sais que c'est de l'ironie. Ben, de la vraie créativité digne de ce nom, j'en ai vu, mais elle aboutit pas jamais. Elle est tout le temps empêchée, ou bien elle va servir à former des gens au niveau d'une souffrance expérimentale. C'est pour ça que même ceux qui étaient bien placés pour savoir c'est quoi de la créativité réelle, ils faisaient des projets qui ne marchaient pas. Prenez dans le temps, là, comme Bernard, le projet Costa Rica, Roche Sauvage, Zénor, toutes ces affaires-là, ça faisait partie des lois expérimentales liées, pas à lui, mais liées au mouvement social autour de lui. Ça avait rapport avec ça. Puis c'est comme s'il ne l'avait pas vu parce qu'il ne fallait pas qu'il le voie. Mais là, ça, c'est tannant. Pourtant, à la base, il y avait une créativité réelle à la base de ça. Si ça avait resté projet Costa Rica, ça aurait peut-être eu plus de chance que si ça s'était ramassé à Port-au-Prince. Ça aurait peut-être... mais il y a eu de la crainte, il y a eu de la peur, puis il y a eu toutes sortes d'affaires qui ont fait que ça ne s'est pas fait de même. Mais de la vraie, vraie créativité, c'est assez rare. Souvent, là, les fois que je vais avoir de la vraie, vraie créativité, c'est une improvisation inattendue qui va de soi et automatique. Là, je remarque la vraie créativité. Comme... prenez Jean Doré quand il a appris qu'il se faisait voler, la ville se faisait voler des bacs de fleurs. Il a dit, bon, on va en racheter d'autres. Les gens qui volent ça, ils vont planter ça sur le terrain. Puis ça va embellir la ville pareil. Ça ne donne rien de mettre la police là-dessus. On va remettre un peu de budget puis racheter d'autres fleurs. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est créatif, à mes yeux. Ça tient en compte les lois de la réalité sociale. Ça tient en compte les lois de conséquences réelles. Ça prend en compte comment les forces sociales, l'homme humain, puis Puis ça vient à bout de composer avec ce qu'on pourrait voir comme une disharmonie, mais à la place, on va se servir du négatif. C'était pas si grave là, que ça, là. Puis c'était pas fou. C'était très brillant de la part de M. Doré. En tout cas, qu'est-ce qu'une radio à ondes courte portée, qu'en as-tu fait? Ben, une radio à ondes courtes, c'est comme, vous savez, c'est certaines fréquences. Des ondes hertziennes qui sont un petit peu plus courtes, un petit peu plus basses, qui ont moins de portée un peu. Ben, qu'est-ce que j'en ai fait? Ben, je m'en suis servi un bout de temps, puis finalement, des fois, je l'écoute un petit peu, des fois, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est ici, là, pas loin. Ben, j'en ai pas fait grand-chose. Vous savez, les CB, les camionneurs se parlent avec ça, même les ondes cellulaires, quelque part, ça peut être. Je ne sais pas comment, là, mais avec ça, on peut écouter n'importe quelle onde. C'est juste qu'il faut avoir la bonne. Et en tout cas, c'est des fréquences. Hein. C'est comme des encodés, c'est des encodages. Il faut savoir. Mais non, j'en fais rien en ce moment. Ça m'a diverti un bout de temps. La plus petite unité de créativité effective est la famille pour le moment. Moins. Ça dépend ce que vous voulez dire par là. Mais moins. Beaucoup de familles ont changé de vie dans les derniers 2 ans. On en rencontre beaucoup. Moi. Oh, j'étais un petit peu quand même, un petit peu. Je suis pas exempt d'inquiétude, là. Le monde, il pense des fois que moi, je suis. Non, là, je suis juste. C'est pas parce que des fois, je dis des affaires qui ont l'air intelligentes que je suis pas intelligent, là. Je vis encore de l'inquiétude. J'étais encore un petit peu idéologisé. En tout cas, c'est pas. Oui, la créativité est très importante. On oublie toujours pendant nos actes de la journée, télévision, l'école, boulot. Oui, mais la créativité que je parle, c'est pas comme la créativité qu'on parle d'habitude, là. Je sais pas si. La vraie créativité, elle va être liée à la capacité de composer harmonieusement avec un contexte, puis ce qui arrive d'une façon presque totale. C'est un peu lié à l'expansion dans l'harmonie. Il y a une symbiose avec le terrain, le mouvement, les événements, les événements. Même moi, je suis pas là, là. Je suis loin d'être rendu là. Donc, perdre du temps, de l'énergie, théologiser. Non, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. Ça dépend de ce que je voulais dire par là. Mais non. Ben, théologiser. Si vous saviez, savez-vous ce que je pense de la théologie? La théologie, c'est un des outils de l'intellect pour pallier au fait que, justement, l'être humain pense. Dans le sens que, si vous prenez les révélations, c'est-à-dire les religions révélées, vu que l'être humain a une vision polarisée, vu justement qu'il est intellectuel, il n'avait pas le choix d'être théologique parce qu'il faut qu'il interprète. Il n'est pas capable de voir, il faut qu'il comprenne avec son intellect, donc on ne comprend rien. Puis la théologie, ça aboutit à nulle part. Ça n'a pas le choix d'aboutir à nulle part. Sais, je veux dire, c'est de la philosophie du révélé. C'est de l'intellect du divin. C'est un nivellement vers le bas, là. Ça peut pas. Je sais que tu n'es pas d'accord avec cela, mais moi, je trouve que planter des potagers sur nos balcons en ville, c'est créatif et ça va de soi, apporter de la nature en ville aussi bien que partir. Je ne dis pas le contraire. Je ne sais pas pourquoi vous dites que je ne suis pas d'accord. Ça dépend de quoi on parle. Non, je vois pas. L'affaire que je veux dire, moi, l'affaire que j'ai parlé contre ça à un moment donné, c'est que. Il reste que la base de l'économie réelle, c'est l'agriculture. Trouvez-moi une civilisation. Regardez ce qui se passe là, parce que le grain se rend pas là, en Ukraine. Vous aurez beau planter de l'avoine sur vos balcons, du blé, ça se passe pas pareil. On ne peut pas avoir le même rendement. On a besoin des agriculteurs, c'est la base. C'est la base. On a envie tous de l'inquiétude, comme nous sommes des êtres sensibles. Il faut se fortifier entre nous. Non, il faut se fortifier en soi, tout seul. Après, on échangera entre nous. Après avoir la capacité de se fortifier entre nous, si on peut dire. Mais l'inquiétude, ça dépend là, de quoi on parle. Moi, je parle d'inquiétude au sens, j'ai encore de l'empathie qui m'alourdit là, quand je vois certaines affaires. On en a un bel exemple, changement complet de vie d'amis, de pays, on est déraciné, mais ça ne nous donne pas une mobilité jamais rêvée. Le cordon est coupé. Ah. Je sais pas, ben là, c'était dans votre expérience. J'aurais jamais pensé faire ça. Ah ben ça, c'est bon signe. Comment fonctionnent les ondes de forme? Ben oui, mais là, ça le dit le terme. Dès là que vous avez une forme, il va avoir une émission. C'est-à-dire que ça va émettre des ondes. Pas le choix, ça fait partie des lois de la forme. Les formes émettent des ondes liées à leur forme. De la même façon que, prenez les couleurs qui sont un peu comme des longueurs d'onde, ça émet des ondes, on peut dire. Il va avoir la lumière, c'est lié au jeu. Il y a une interaction, là. T'sais, on est quasiment dans de la physique, là. Mais comment fonctionnent les ondes de forme? Vos corps subtils, il y en a que c'est comme au niveau des ondes, là, presque. Donc, il y a des formes qui peuvent influer sur votre santé, entre autres. Mais là, sans tomber dans les affaires comme il y a eu dans les années 80, là, que le monde il voulait se mettre des pyramides sur la tête, puis c'est pas de ça que je parle, là. Mais comment fonctionnent les ondes de forme? C'est vibratoire au fond. C'est quoi des ondes? C'est quoi? Il y a émission. La forme émet des ondes. Juste le fait que vous pouvez, avec votre œil, palper une forme. Est-ce que ce serait possible sans ces mécaniques-là, sans ces lois-là? Donc, l'agriculture, l'industrie, le commerce, comme disait Gustave Lebon. Ben oui. Bonjour, Steve. Je vais devoir vous laisser là, dans plus de temps. Donc, là, oui, c'est sûr, il faut se fortifier en soi en premier. Après, on peut aider les autres, c'est ça. Parce que, vous savez, ça, je l'ai vu dans le communautaire. Des fois, vous voulez aider quelqu'un, puis ça ne marchera pas. Même, vous allez lui nuire. C'est que la personne, on ne peut pas l'aider. Il faut qu'elle s'aide par procuration à travers l'autre qui lui sert d'appui. Donc, ça devient difficile d'aider les autres, là. Des fois, c'est se nuire à soi-même. Donc, après, tu sais, pour aider les autres, il faut déjà être soi-même. En tout cas, ben, moi, je pense que j'étais peut-être trop... J'étais assez raide avec... Ce serait bien que l'infiltration se passe dans l'autre sans souci. Des gens bien à droite et droit dans l'entourage des exécutants. Ben oui, mais ça se fait ça. Ça arrive. Il y a des jeux comme ça qui se font. Ça n'a pas le choix. C'est pour ça que ça ne donne rien d'être fataliste. Ça ne donne vraiment rien d'être fataliste. Dans le sens que ce qui va d'un bord, ça va de l'autre aussi. Puis de toute façon, s'il y a des choses qu'on sait, puis ça circule, c'est parce qu'il y a des taupes partout, au fond. Des taupes, pas d'une organisation, pas des taupes d'intérêt. Ou des taupes dans le sens que il y a du monde qui finissent par se rendre compte d'eux-mêmes, puis qui vont devenir des taupes dans certains milieux pour les autres qui se rendent compte aussi. Ça n'a pas le choix de circuler. À moins qu'ils ferment tout, un blackout. Mais je pense pas que ça arrive. Ça reste possible, peut-être même l'hiver prochain. Mais ça dépend tout le temps de ce qui va arriver. Puis moi, je suis pas... comment je pourrais dire ça? Je pose pas une question, ah, qu'est-ce qui va arriver avec telle affaire? Puis là, ça me répond. Souvent, ça va me dire, c'est pas de tes affaires. Ou bien, tu le verras quand tu le verras. Mais des fois, ça me répond. Mais la plupart du temps, c'est genre, c'est pas de tes affaires. Pourquoi tu veux savoir ça? Qu'est-ce que tu vas faire là avec ça maintenant? De toute façon. Fait que souvent, je comprends que des fois, il y a de la censure interne, tout simplement, pour qu'on se trouble pas. Il y a bien des choses, on serait jamais allé si on avait pensé à y aller. C'est parce justement qu'on y pense pas, puis les événements, c'est... Donc, bon... Donc, c'est ça, là, par rapport à... Qu'on le veuille ou pas, du monde là, qui, comme vous me disiez, là, il y a bien du monde que je connais ou je vois du monde que, oh, ils n'ont pas l'air. Il y a du monde, ils vont craquer. Il y en a, ça va, ça passera plus. Puis ça, c'est dans tous les milieux. Dans tous les milieux, il va toujours avoir quelqu'un qui dit non, moi, ça va faire parce qu'à un moment donné, l'ego, il est tanné de subir son expérience, puis il va. L'écœurement. Quelqu'un qui est écœuré, là, ça, c'est très efficace. Ah, ben là, j'ai pas eu le temps de lire Urantia. Ben non, je le. En tant que bibitte transitive, la loi d'attraction est-elle fluide pour toi selon Kemp? Elle réagit selon l'homme ancien transitif. Les lois d'attraction, la loi d'attraction, d'attraction, mais aussi de répulsion, puis de. Ça dépend de quoi on parle, là. Vous pensez qu'au niveau de la pensée que vous avez, entre autres, que ça dépend. Oui. C'est sûr, si, c'est sûr, ça va être différent selon l'homme ancien, l'homme transitif ou nouveau, parce que c'est lié au rapport avec, entre autres, avec les pensées, avec les forces, avec le contexte, avec c'est la façon dont tout va être digéré, puis tout va être géré. Donc, oui, mais la loi d'attraction, on pourrait la ramener à des choses basiques, quasiment de. Ça aura plus la même. Ça aurait, on pourrait ramener ça à des lois presque de physique, là. Ça aurait plus le côté ésotérique, justement, abstrait, là. Ramener ça à des mécaniques très, très claires, très, très. Ça craque déjà ailleurs qu'ici. Ouais, ça, ben, les Québécois sont ouais. J'ai hâte que plus de gens s'écœurent, ouais. Oh, ça va venir. Ça va venir. Ben, ça ne peut pas faire autrement. Ce qui est dangereux, c'est qu'il y a des gens qui vont développer une résistance à ça, puis qui vont finir par être dans la résilience, dans l'acceptation. Puis ça, c'est comme être dans une stase, puis ça fait du monde qui vont faire partie du contexte, si on peut dire. Donc oui, il y a du monde qui vont. Il y en a des gens qui vont s'écœurer, puis c'est déjà fait, là. Je veux dire, on voit déjà beaucoup, beaucoup de choses, puis je parle dans tous les camps. Même dans même chez les gens qui, justement, prenez les différents groupuscules qui sont venus au monde de tout ça, au niveau d'une résistance, on peut dire, ou d'une dissidence, on peut dire. Il y a des jeux de dupes là-dedans. Ben là-dedans aussi. Ouais. Je pense que je vais aller dîner. Stase normalisée, ma plus grande crainte pour les enfants, moi. Ouais, parce que rendu là, il irait juste aux enfants. Il irait juste aux autres. Bernard a parlé une fois de construction d'une pyramide dans quelques années sur la Terre. Je ne m'en rappelle pas. Pour quelle raison? Ben, moi non plus, je ne me rappelle pas de ça. Me souviens pas de ça. Mais des pyramides, ils sont bâties, hein, en ce moment. C'est des fonds privés, mais c'est pas des pierres. En tout cas, on le saura peut-être à un moment donné, parce que je vous dis ça, parce que ça me dit ça. Mais ça veut pas dire que. Moi, je prends pas pour du cash rien de ce que je dis. Mais ils sont construits des pyramides depuis même des années. Des fonds privés pour. C'est sûr, en tout cas. Ça se passe pendant le régime de Vichy. Ok, les enfants, à lire à vos enfants. Une BD historique à lire, les enfants à résistance. Ça se passe pendant le régime de Vichy. Ah, n'avez-vous et tout qui se passe pendant le régime de Gaulle? Je veux dire, peu importe le gouvernement en place, pour un bout de temps que. Je veux dire, que ce soit résister aux nazis ou résister aux forces otaniennes des Américains, il y a toujours intérêt d'avoir de la résistance. C'est toutes des forces externes. Je veux dire, en tout cas. Loi de matérialisation, de projection selon les paramètres aussi. Toi, bipède transitive, les projets sont tantôt fluides, tantôt contraints, comme pour ton jardin. Moi, ouais, mais c'est le cas de tout le monde, ça. C'est le cas de tout le monde. Si j'avais pas d'adversité, c'est très mauvais signe. Hein? C'est quand ça va trop bien, là. C'est très mauvais signe. Vous êtes mieux de vivre l'adversité en temps sur de longues périodes que ça va bien, ça va bien, ça va bien, puis à un moment donné, paf, le mur est là, le mur arrive, c'est fini. Dans le sens que le confort nous ramollit. C'est pas mauvais, l'adversité, au contraire. La pyramide devait parler chez Glenn à ce moment. Ouais, c'est bien possible, c'était la grosse mode. Si c'était la grosse mode, c'est encore la grosse mode quelque part, là. On essaye encore de nous fasciner avec ces affaires-là. Quand le monde va se rendre compte à quel point c'est des affaires simples, si ça arrive, là. En tout cas, mais il n'y a pas de quoi. Moi, c'est dès qu'il y a de la fascination, là. C'est pas normal. Mais l'être humain, il est vibratoire, il a des corps subtils, il subit. Il y a quelqu'un qui me parlait les ondes de forme, puis tout, qui est fasciné par la forme. Ça fait partie des lois magnétiques de l'âme. Sur les pyramides de BDM, j'ai fait une playlist s'intitulant 2023-2070. Ah, intéressant. J'ai remarqué que quand je porte des bouchons à mes oreilles pour dormir, que je me souviens plus de mes rêves. Sais-tu si c'est néfaste de bloquer les oreilles? Pourrais pas vous dire. Ça n'était pas les raisons pourquoi vous faites ça. Ça peut être un add-on aussi. Possiblement que vous êtes très sensible lorsque vous dormez à des stimuli auditifs puis que ça influence vos rêves. Vous devez être quelqu'un de très auditif, plus que visuel. Donc, ou peut-être même que c'est le contraire, mais il reste que ça a l'air. On dirait que vos rêves sont très influencés par des stimuli auditifs quand vous dormez, peut-être. Ou que c'est lié à une mécanique qui fait que vous vous en souvenez ou pas. Personnellement, je suis pas bien fort là-dessus, les bouchons dans les oreilles. Parce que ça, bon, toutes sortes de raisons là, qui peuvent engendrer des problèmes. Bonjour, l'oiseau moqueur. Bon, tu viens d'arriver comme je veux m'en aller. Comme je vais aller dîner. Mais, bon, l'affaire, les bouchons dans les oreilles, là. Je sais pas. À mes yeux, il y a quelque chose là-dedans que je trouve, mais ça dépend là, de votre contexte. Si vous ne pouvez pas dormir sans avoir des bouchons dans les oreilles, ben, vous êtes aussi bien de ne pas avoir de rêve de toute façon. Mais on dirait qu'à ce que vous me dites, vous êtes sensible aux stimuli auditifs quand vous dormez, puis ça influence vos rêves, votre souvenir de vos rêves en tout cas. Mais c'est un peu comme, vous savez, les masques pour. Si vous allez avoir des masques qui vont avoir des stimuli visuels, une lumière rouge qui se met pour. Quand vous êtes en phase de sommeil au niveau de vos rêves, pour vous aider à en rappeler. Donc, les stimuli par rapport aux rêves, puis au retour à un mode. C'est sûr que, bon, il y a des liens avec ça, puis mais c'est à vous de voir dans le fond. Mais bloquer les oreilles, ça dépend toujours. Avis d'intérêt général, nouveau drop de Q hier après 2 ans. Vous êtes sûr que c'est d'intérêt général? En tout cas, très important, oui, je suis aussi sensible auditif, ça m'évite les sorties du corps. Ah. Moins. Ben, si on parle d'une extériorisation de la sensibilité, c'est plus la sensibilité d'un autre corps par rapport à sortir du corps. Prenez ce qu'on a appelé le filin d'argent. Bon, mettez une balle de caoutchouc dans une petite balle dans un ballon en caoutchouc qui n'est pas gonflé. Puis là, vous voulez extérioriser la balle pour la faire se déplacer. En gardant le ballon à la même place, ça va s'étirer puis ça va faire comme un fil. Puis il y a à ça lié ce qu'on pourrait appeler des lois comme le système nerveux. La moelle épinière, c'est fibreux, c'est pas pour rien. Donc, ces choses-là, ça reste spatial puis temporel. Donc, il n'y a pas une réelle sortie tant que vous pensez. Il y a plus une extériorisation de la sensibilité, une projection. Pourquoi on parle de projection? Très important, oui, je suis aussi sensible. OK. quelque chose à dropper d'un cul, ça sonne comme de la merde, cette affaire-là. Ben, je vois un lien entre les pensées et les sons. Oui. Ah oui, vous avez raison. Ben, c'est sûr, on est dans un cerveau. C'est pas pour rien que le cerveau est configuré comme il l'est. Mais c'est pas juste. Même les formes ont des liens avec les sons. Pourquoi vous pensez que le monde qui se bourre d'hallucinogènes, ils finissent qu'ils entendent des couleurs et ils voient des sons? C'est le cerveau, maintenant, il obéit à les lois de son filtre de la perception. Mais tout est vibratoire. C'est ça qui fait que. Comment est-ce qu'un quelqu'un qui est sur la LSD ou sur l'acide par-dessus la tête peut finir par voir des sons, par entendre des couleurs? Ben oui, mais tout est vibratoire. C'est rien que le cerveau momentanément fucké. C'est rien qu'un filtre, le cerveau. Donc, d'ailleurs, heureusement que ça filtre. C'est quoi, il vaut? Bon, et c'est quoi, ils vont finalement mettre la Deep State à terre? As-tu déjà entendu tes défunts la nuit? Ça dépend de ce que je voulais dire par là. Bon, je peux avoir à un moment donné la perception des défunts. Est-ce que ça veut dire que c'était eux? C'est lié à l'âme, ça, entre autres, à la sensibilité de l'âme. Prenez Carl Gustav Jung qui s'était fait son petit sanctuaire, là, sa tour, là. Quand il allait dormir là, il entendait des processions militaires. C'est juste capter de la mémoire, de la vieille mémoire. Mais là, si jamais... Oui, c'est arrivé que j'ai eu l'impression qu'un défunt me parlait. Il disait, puis là, j'ai dit, toi, ferme ta gueule, tu m'interromps. J'ai coupé ça tout de suite. C'était souvent. J'en suis certain à 100% que ça... Donc... Oh, c'est ça, are you ready to serve your country again? Oh, c'est ça, les drops. C'est pas fracassant, il n'y a pas grand révélation là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. Ben, franchement, là, bonjour, Jean. Fait beau, bonne journée à tous. J'ai une meilleure mémoire pour la voix d'une personne que son visage. Les gens portent peu attention au timbre de voix, au ton. C'est comme ça qu'ils nous font de l'induction, moi. Ben, c'est sûr que c'est lié au vibratoire, mais juste, je savais que c'est ça l'oiseau moqueur qui est très sensible à la voix, l'intonation, l'auditif. Je le sais par son imitation de Dan Bigra, qui est la meilleure que j'ai jamais entendue. Il faut vraiment être sensible à ça. Mais des fois, je pense que mon père, là, quand j'étais plus jeune, là, il avait une voix. Des fois, là, quand il était en piste et qu'il me parlait, là, les vitres, j'étais proche d'une fenêtre, je sentais les vitres vibrer. Là. Il avait une petite voix. Puis moi, personne ne m'entend. Des fois, je parle au monde, puis j'entends, puis il y a une petite crise de voix. Là, pour qu'on m'entende comme du monde, il faut que je sois choqué. Faut que je sois en colère, parce que je suis quelqu'un, j'ai l'ouïe très très fine aussi, puis mais je suis aussi visuel qu'auditif. J'avais passé un test pour déterminer que j'avais 50-50. Mais la personne, là, le visage, ça dépend. Prenez, on va peut-être avoir des petits-enfants très très sensibles aux intonations de la voix. Pourquoi? Parce qu'on n'y a pas vu les visages pendant un bout de temps. C'est un peu comme un aveugle va développer une ouïe plus fine. C'est normal. Parviens-tu à communiquer avec l'esprit en langage préverbal ou subvocalises-tu? Verbalises-tu toujours? Non. Non, pas tout le temps. Des fois, admettons que je pose une question, je veux savoir quelque chose, je vais voir des affaires, ça vient comme des flashs. Mais c'est un phénomène, là, c'est... Ça m'impressionne moins qu'avant, mettons. Connais-tu Michel Ribs? Un monsieur au discours très vibrant. Entre sortie astrale et supramentale, non. Ben, l'affaire des sorties astrales. L'affaire des... Je ne sais pas, là. Parce que, bon, c'est des expériences, ça peut être intéressant pour se rendre compte qu'on a affaire à un décor, qu'on a affaire à des mises en scène, qu'on a affaire à de la mémoire, qu'on a affaire à des réalités, c'est-à-dire c'est pas réel, c'est parcellaire. Ça peut servir, mais quelqu'un qui veut aller dans l'astral, qui veut faire des expériences astrales, là, c'est pas ça que vous me dites, là, mais bon. Mais ben franchement, vous savez, j'écoute pas grand monde, là. J'écoute pas grand-chose. C'est assez rare que. J'ai parfois l'impression d'une présence physique qui passe près de moi la nuit, mais ça peut être une imagination plaquée sur des sensations du corps. Oui. Ben, vous savez, quand on est sur le point de s'endormir, dans le cerveau, l'activité change. L'activité synaptique change de région. Puis des fois, il va y avoir une période transitive où là, on a l'impression d'une présence. Ou bien, vous allez entendre, vous êtes sur le point de vous endormir, vous entendez quelqu'un dire votre nom. Ça peut être avec la voix de quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être. C'est des phénomènes qu'on pourrait rattacher au mantisme. Un phénomène un petit peu de mantisme. Mais ça se peut aussi que vous avez perçu quelque chose qui est là. Donc. Tout ce qui relie l'astral et supramental m'intéresse énormément. C'est pourquoi l'astral, dans le sens, ça dépend de ce que vous voulez dire, là. Michel Ribes va au-delà de l'astral. Moi, ça se peut, mais comme je vous dis, je ne l'ai jamais écouté. Ce soir, à 20h30, Michel est chaud. Ah, avis aux intéressés. Je pense qu'ils font la guerre à nos sens. Déjà, l'odorat qu'ils ont attaqué avec la cigarette aujourd'hui, le toucher nous éloigne avant nous perdu. Un sens à l'intuition. Ben, c'est parce que ça marche tout ça marche tout. T'enlèves un sens, les autres, il faut qu'ils se réadaptent, mais si t'enlèves un paquet de sens en même temps, ben. Mais il reste que, dans ce qui est dit là, prenez Guantanamo. Quand les prisonniers à Guantanamo, ils leur coupent leur sens, ils leur mettaient des cagoules sur la tête. Même au niveau du toucher, ils leur mettaient comme des espèces de mitaines de four, là, comme des sacs. Par rapport au sens, l'être humain, oui, il est prisonnier de ses sens, mais c'est aussi ses outils de perception. C'est vraiment grave, là, je veux dire. Moi, ce que je vois par rapport au sens, de la façon dont les sens des populations sont attaqués, ben, ils ont appris de la torture dans des coins comme Guantanamo et ils s'en servent. Le but, c'est toujours de casser des volontés. C'est de la programmation, c'est de l'induction, mais oui, si tu prives quelqu'un de tous ses sens, son cerveau va essayer de remplir le vide. Puis c'est comme quelqu'un là qu'on met dans une pièce totalement insonorisée puis qu'on le laisse là un bout de temps, il va finir par entendre des voix, ça peut pas faire autrement. Je pense qu'il est OK. Ah, 20h30, OK. Dan Bigra, Lacazin, Badouri, on dirait que les gens que je n'aimais pas sans savoir pourquoi arrêtent pas de me donner raison. Oui, je comprends. Bon, moi tout, Jocelyne Cazin, je savais pas pourquoi, hein, puis je finis par comprendre. Mais bon. Ah oui, Laurence Jalbert, puis aïe. C'était spécial, ouais, mais il y en a, c'est pas de leur faute, là. Il y en a qui y a de la mauvaise foi, tant qu'à moi, là, un petit peu comme Jocelyne Cazin, là, un petit peu de mauvaise foi, peut-être, là, un petit peu. Mais Laurence Jalbert, je pense qu'il est nounoun. C'est pas de sa faute. Elle a peur, elle est vieille, puis nounoune, puis elle a peur. Je pense pas qu'elle a jamais été une lumière, Laurence Jalbert. Sans être méchant, là, sans vouloir la critiquer, c'est pas de sa faute, là. Mais il y en a qui, parce qu'on y a chance, on y est eux. C'est pas de leur faute, là. Prenez, à un moment donné, le Doc Mayou, il avait parlé, il dit Adrienne Clarkson est en train quasiment de faire un incident diplomatique avec l'Angleterre. Elle a écrit dans un de ses livres qu'elle avait assisté à des réceptions officielles données par, je pense, la sœur de la reine. Puis dit à Charles qu'il y avait deux sets de vaisselle différents sur la table, ce qui va contre les protocoles, puis l'étiquette pour les soupers officiels. Puis là, finalement, les Anglais étaient bien insultés de ça. Puis le Doc Mayou, il avait dit à la défense d'Adrienne Clarkson, qui appelait Madame Claxon, il avait dit, c'est pas de sa faute, t'es nounoun. Elle se rend pas, elle est niaiseuse. C'est un petit peu pareil, Laurence Jalbert. L'affaire, c'est comme le Doc Mayou, je ne suis pas un grand admirateur, mais à ce niveau-là, il avait raison. C'est pas parce que quelqu'un est diplômé que même on peut avoir un haut QI puis être un imbécile. On peut être niaiseux un peu puis avoir un très haut QI. Ça n'a rien à voir, c'est juste mécanique. Le QI, ça n'a pas rapport avec une vue claire ou consciente ou l'instinct puis l'intuition réelle. Donc, il leur mettait des masques aussi, de même qu'aux esclaves, moi. Ben oui, prenez les Égyptiens puis la cérémonie d'ouverture de la bouche des momies. Il y a tout un, une vieille, il y a tout un... En tout cas, disons que de là à là, là c'est 9 fois sur 10 quand quelqu'un reçoit un coup de poing direct sur le menton, puis s'il est bien donné d'habitude, ça agit tout de suite, le monde tombe sans connaissance. Mais il reste que, bon, vous voyez, en tout cas, moi je vois un lien avec ce qu'ils ont fait à Guantanamo, puis les techniques telles qui sont appliquées aux masses. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de CIA là-dedans. Parce que eux autres, à cette heure, les connaissants là-dedans. Mais, bon, malgré que les Anglais et tout, mais de toute façon, c'est tout lié, c'est tout pareil. La Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis, tout lié, le Canada. On est des champions de la torture mentale, de la torture psychologique. Donc, Michel Ribzeman, un cœur intelligent, je suis vraiment heureux de l'entendre ici mentionné. Ah. La nature stimule les sens à merveille, le mode de vie hors sol atrophie les sens. Oui, mais d'un autre côté, on est prisonnier de nos sens, genre développer d'autres sens. Peut-être des fois, on peut couper des sens pour eux. Bon. Laurent Jalbert, elle est... Ben, ça montrerait un petit peu encore un aspect... Ouais. Je voulais dire que je me souviens beaucoup plus facilement de mes rêves et j'adore plus longtemps. Oui, très sensible au visuel. Ah. Non, et l'isolement sensoriel pour développer d'autres sens au-delà de l'activité des premiers. Oui, ça peut servir à ça, mais ça peut. Il faut qu'il y ait une alternance. Donc, si on isole quelqu'un, il peut développer, oui, un autre, d'autres sens, mais ça va être. Ça ne sera pas harmonieux. Je veux dire, il ne saura pas s'en servir, ça va juste s'être développé. Là, on va tomber avec des gens psychotiques. Là, ça peut être dangereux. Oui, il faut débloquer nos capteurs de prana, travailler les énergies yin, yang, omniel, BMC, Daniel Kemp, respiration, dispo sur YouTube. Ah. L'oiseau moqueur, moi, j'y entends des textes commandés. Sinon, il faut voir si elle n'a pas grandi dans une secte et elle était témoin d'un rituel. Moi, balou. Je ne sais pas, là. Mais franchement, je sais pas, là. On est-tu obligé d'aller... C'est pas nécessairement obligé d'aller jusque-là, là. Mais, bon. Je veux dire, il y en a du monde. Ils n'ont pas eu à subir tout ça, puis ils collaborent pas à peu près, puis ils sont... Il y en a du contrôle mental pas à peu près. Il y a des techniques assez... Elle ne va jamais s'excuser, elle l'a vu dans leurs yeux, elle s'est auto-mise en vibration avec ses émotions, donc c'est réel pour elle, voilà pourquoi je ne blaire pas les artistes. Moi, bon, faut pas toutes les mettre dans le même panier, là, malgré que de nos jours, c'est un panier de crabe, hein, les artistes. En tout cas, on va être compatissants et indulgents envers ceux qui sont dans un milieu comme ça. Beaucoup de gens, en sentant la force de l'émotion, en déduisent que c'est donc réel. Et voilà. Ça fait partie des pires affaires. Les forces irrationnelles. Les forces de l'irrationnel, c'est-à-dire justement manquer de discernement. Tu sais, dans le sens rationnel, dans le sens le ratio, avoir de la mesure. Puis les émotions, c'est pas fait pour ça. On nourrit l'intellect avec des émotions, mais c'est pas fait pour ça. C'était pas... En tout cas... On nourrit tous les programmes avec des émotions, mais reconnaître les émotions sont une étape. Oui. Ben oui. Prenez juste là à quel point ça déforme la vue. On peut voir quelque chose de réel. Le problème, c'est que ça va être déformé par l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière. Ça ne veut pas dire que l'intuition n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que... Une fois, étant enfant, je m'étais réveillé en panique, puis j'étais complètement traumatisé. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'avais perçu quelque chose pendant mon sommeil Eh bien, j'ai super appris que c'était réel, c'était vrai. Mais ma réaction, l'espèce de petite terreur enfantine qui en avait découlu, qui avait sorti de ça, c'est exagéré. Mais la perception était. Le plus drôle, c'est qu'elle est certaine d'avoir fait œuvre utile avec ses chansons. Les gens sentent une émotion. Je les tousse, je les touche. Ils sont changés et mieux qu'avant moi. Ben, c'est parce que on est encore dans le psychodrame. On est encore dans la recherche de la catharsis. Est-ce que c'est vraiment de réactiver? Oui, c'est un peu comme un moulin. C'est un peu comme un moulin qui tourne, puis on fait tourner le moulin. Mais il n'y a pas de grain dedans, il n'y a pas de. Le meunier, ses poches vont être vides pareil. On tourne dans le beurre à un moment donné. Mais oui, j'ai chanté. C'est un petit peu comme. Vous pouvez apporter de l'eau à un moulin, mais ça prend du grain, ça prend quelque chose. Si c'est un moulin assis, ça prend une scie à ruban, il faut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Sinon, on nourrit dans le vide. C'est tout le temps recommencer. Le psychodrame, la catharsis, ça va tout le temps tourner en rond. On n'est pas pour remâcher les vieux conflits de toute notre vie. À un moment donné, on n'est pas pour tout le temps retourner dans le passé. On n'est pas pour tout le temps retourner dans des psychodrames passés pour régler des problèmes psycho-affectifs à travers le fait qu'on est mis en vibration, entre autres par l'art, puis là, il y a une projection d'identification, puis ça fait toute partie de la fausse identité circonstancielle, expérimentale de souffrance émotionnelle, justement. C'est ça qui fait qu'on a besoin de catharsis, puis qu'on aime la musique, vous savez, là, l'espèce de romantisme larmoyant, là, pas romantisme dans le sens, mais vous savez ce que je veux dire, là, comme dans le mouvement romantique. Pourquoi vous pensez que le mouvement romantique en Europe, si on prend les écrivains allemands, puis tout ce qu'il y a eu par rapport à ça, puis des gens comme George Sand, Chopin, puis ça amène souvent à la mort. Les jeunes gens qui étaient beaucoup dans le romantisme, souvent, il y avait une vision belle de la mort. On voit d'où ça vient. Je veux dire, ça sent comme d'où ça vient. Je vois le même phénomène avec les intellectuels. Je transmets un concept, je les informe. Ils sont changés, surtout les philosophes qui étaient des pas de classe dans leur vie personnelle. Ah. Bon, intéressant. Le point zéro, la neutralité, le delta plane survolant le tout, l'esprit. Ouais. L'esprit est intransigeant, justement, parce qu'il n'y a pas de. C'est un point zéro, justement. C'est l'intransigeance d'un juste milieu. Donc, des fois, Platon se méfiait de la poésie, probablement parce qu'il n'y avait pas de talent là-dedans. Non, c'est une blague, mais. Prenez tout ce qui a été perdu d'Aristophane, ces choses-là. Pourtant, ça a marqué leur temps, mais c'est pas ça qui est resté. C'est pas ça qui est resté. Fait que, tu sais, pourquoi que quelqu'un comme Néron tripait sur le chant, puis les artistes, c'est un peu comme des fous, là. Ça parle à l'âme, mais il n'y a pas d'esprit, comme c'est l'âme en elle-même, puis. C'est un peu comme une eau qui stagne à un moment donné. Là. Il n'y a pas le mouvement réel. Fait que c'est ça que ça fait. Je pense à le parc Belmont, je ne sais pas pourquoi. Hé là là, tu l'as parlé, la toune de Diane Dufresne, là. Car, je veux dire, ça donne envie de s'accrocher sur une corde, sa toune. C'est pas la plupart de. Bon. Hey, c'était à Saint-Jean l'autre jour, elle se met plus des fleurs de lys sur les seins. C'est peu, bon, c'est autre temps, autre mœurs. Bon, ben, il y en a d'autres qui vont le faire à sa place, mais le parc Belmont. Je l'ai vu, moi, le parc Belmont, plus jeune, avant que ça soit. Ça n'existe plus, là. J'ai même des souvenirs. J'étais jeune, là, j'étais un petit bambin. C'est beaucoup lié à la mémoire, musique, émotion, c'est ça, c'est l'âme. Quand on dit quelque chose me fait vibrer, là. Quelque chose, ça va être lié à des structures. Pourquoi? Parce que c'est de la mémoire. C'est pour ça que. Puis regardez la rythmique, comment c'est important pour les vaudois. Il y a trois tambours, puis ils ont, il va avoir. Prenez l'eurythmique pour les. Pas les théosophes, les anthroposophes. Puis, c'est tout lié à l'âme. À l'âme. Fait que oui, ça marche, mais c'est tout lié à une partie, les corps animaux, un petit peu le côté animal du corps humain. On dit que les oiseaux chantent. Ils ne chantent pas, là. C'est pas un chant comme nous, on l'entend. Mais ça risque que c'est dans le même registre. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc, vous parlez entre vous. Oui, Diane Dufresne, moi. Vous savez, moi, j'aime pas. En tout cas, j'ai rien contre Madame Dufresne, là. Mais bon. C'est des milieux que j'aime pas. C'est des. En tout cas. Je vibre à la musique romantique dans des moments où je suis bas en vibration, mais ça peut faire une belle ambiance pour un souper. Ça m'énerve souvent après 10 minutes, par contre, moi. Ben oui. Prenez les grandes envolées de Franz Liszt, puis Chopin, certains morceaux de piano. Moi, à un moment donné, le cœur me lève. À un moment donné, je suis tanné. Puis c'est pas long, là, à cette heure. Je fais juste penser que je suis tanné. C'est pas que c'est pas des bons compositeurs, c'est pas que c'est pas des grands compositeurs dans le registre de ces choses-là. Oui, ça peut être intéressant pour faire un beau souper, puis mais reprenez, regardez les opéras, c'est tout le temps les mêmes affaires, je veux dire, ça va parler de mythologie, ou comme Wagner, par exemple, ou bien c'est tout le temps les affaires grandiloquentes à pu finir, ou prenez Puccini, là, Madame Butterfly qui se suicide, tout le monde y trouve ça donc beau. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, voulez-vous bien me le dire? Tu sais, je veux dire, le fond, là, la réalité là-dedans. Voulez-vous bien me dire ce qu'il y a de bon là-dedans? C'est juste enrageant, c'est dégueulasse, c'est une horreur, cette histoire-là. Qui trouve ça beau? Comment on peut trouver ça beau, une bonne femme qui tue son enfant et qui se suicide? Il y a de quoi qui ne marche pas, là, dans le romantisme. Là, je parle de ce qu'il y a en arrière, les forces qu'il y a en arrière. C'est désolant. C'est désolant. C'est pas normal que du monde ait lu les aventures de John Weber dans le temps, puis qu'il soit sacré en bas du pont. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça a l'air que c'était normal, mais je trouve que ça n'a pas de bon sens. C'est horrible. Si le monde comprenait ça, le cœur leur lèverait tout de suite. Le romantisme larmoyant, là, si le monde voyait à quel point ils se font vampiriser. Au niveau de vos émotions, de l'énergie, c'est pas normal que ça aboutisse à des pulsions de mort. Les pulsions de vie sont dans l'inconscient, dans la conscience de l'homme endormi. Eros et Thanatos se tiennent la main. Puis lui, il est fait. Surtout beaucoup de dames, bien trop sensibles. Comment ça qu'on s'attendrait de même? Et qu'est-ce que vous voulez qu'il ressorte de ça? En tout cas. Maria, justement, je ne parle pas de dépendance à l'autre, plutôt de monétiser sa richesse intérieure. Bon. Je dessine tous les jours, je dessine en vous écoutant, par exemple. Ah, c'est intéressant, je trouve ça très correct. C'est très bien. C'est vrai que je dessine. Puis, j'allais vous dire, ça m'arrive aussi, mais je dois me discipliner pour ne pas glisser vers la désorganisation, les artistes sont facilement torturés. Alfred de Musset, ben c'est drôle, je pensais à lui justement. Alfred de Musset qui était dans cette clique-là, là, Georges Sand, puis Frédéric Chopin, puis les poètes. Quand il y a un poète là, qui amène de la lumière ou qui amène de quoi d'intéressant, ou qui souvent il finit mal, on va parler des poètes maudits. Tu sais, pourquoi qu'ils sortent des affaires dans les poètes maudits? C'est quoi ça? Tu sais, comme prenez. Voyons, l'autre, là. En tout cas, Serge Gainsbourg, c'est un poète maudit. C'est donc romantique. Ah, oh, OK. Dégueulasse, ça m'écœure. je m'excuse, là. Diane Dufresne est tellement convaincue d'être la déesse de quelque chose, elle supporte pas qu'un ado qui l'écoute voit en elle une vieille madame un peu bizarre. Un peu bizarre, moi, être un ado puis voir ça, on l'a trouvé plus que bizarre. C'est pas, prenez Madonna. C'est une crise de vieille folle. C'est une, comme une ancienne stripteaseuse virée sur le top. Une gang de drogués. Tu sais, Diane Dufresne, je pense pas qu'elle est droguée. Elle a pas besoin de. Elle doit avoir touché à ça, par exemple. Mais tu sais, c'est sûr. Mais Diane Dufresne, on voit qu'elle n'a pas pire opinion d'elle-même. Hein. Bon, en tout cas. J'aime la musique de viol de gambe. Bien ça, bravo. Il y a un morceau qui est pas pire, là, si vous avez le temps de regarder ça, La Livrée de Rameau. Si vous trouvez ces pièces de clavecin en concert là, avec de la viol de gambe, le côté très feutré de la viol de gambe dans le rondeau, La Livrée de Rameau, pas juste la version avec clavecin, là, celle avec orchestre. Ben, orchestre, pas un orchestre complet, mais la musique de chambre, là, bon. Mais j'ai toujours beaucoup aimé ce morceau-là. Puis les premières fois que j'écoutais de la viol de gambe, je trouvais que ça sonnait bizarre. Mon oreille n'était pas. Puis à un moment donné, maintenant, j'ai fini par voir que bon, c'est assez touché, hein? C'est assez subtil. En tout cas. Véhiculer l'énergie libre à travers l'énergie de l'argent avec éthique. Ouais, je vais devoir vous laisser bientôt, vraiment. Là. Les grades élus et maçons, cette musique-là, maintenant, ils font leur... Oh, oui, c'est sûr qu'ils vont mettre de la musique. C'est sûr que c'est... Ils sont... C'est de l'ambiance. Ça n'a pas le choix de jouer avec l'ambiance. C'est comment qu'on appelle ça, influer sur l'âme d'une façon pour induire une perception de... C'est des vieilles affaires, hein? C'est pas pour rien que dans les temples, il y avait des musiciens, les trompettes d'airain. Vous voyez, là. Mais il y a du génie dans l'art, mais ce qui est mis de l'avant est souvent choisi par des groupes avec des... C'est ça. Ben oui. Ben le mécénat. Prenez, comment il s'appelle? Marc Hervieux. Marc Hervieux. Comment ça, qui a fait carrière? Parce que Jacqueline Desmarais l'aime. Ben, elle l'aimait, est morte. Mais tu sais, c'est ça, on se fait imposer des affaires. On se fait imposer des affaires, déplier le cul de ça. Pour ça, j'ai coupé la TV, puis je... En tout cas. Mais oui, il y a du génie. Pourquoi les ados sont tellement attirés par l'exacerbation du sentiment via l'art, une immaturité des corps, de l'expérimental? Je dirais une formation. C'est en formation. Puis c'est des identités naissantes. Puis l'être humain dans l'illusion, il faut que ça passe par l'âme. Hey, j'en ai perdu des affaires que vous me dites, là. J'ai été trop long. OK, des groupes avec intention. Nous sommes nombreux à avoir été marqués par cette phrase du Christ. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pour autant, évidemment, il y a des limites ici à la nécessité. Oui, mais... Ça dépend de quoi il est question. C'est écrit tout, pas donner de perles au fourreau pour ça. Hein. Donc, les potentiels forts sont vite sabotés. Oh, ça, c'est en partie. Dans un de tes vieux lives avec David, tu décris avec perfection le processus de créativité tellement que j'ai applaudi. C'est exactement ce qui m'arrive quand je compose. Ah oui, bon. Puis, ben franchement, je ne me rappelle pas. Mais la fulgurance, quoi, chez. Oui, c'est. D'un coup. Il y a des morceaux de musique qui m'est arrivé d'entendre. Je le sais que le compositeur a composé ça en quelques minutes. Ça ne peut pas faire autrement. Bon. Mais en Madonna, quelle honte. Ben, hey. Quand j'étais jeune, elle avait fait un film. Ça s'appelait Au lit avec Madonna. Puis on la voyait se faire arrêter à Toronto parce qu'elle avait mimé une masturbation sur scène. Puis. Là, on la voyait avec ses danseurs là, sur le party, puis ils se parlaient. Puis c'était tellement de la marde ce qu'ils se disaient, c'était tellement du monde insignifiant. Maintenant, il y en a qui avait pris une bouteille qui avait dit à Madonna, c'est tout le type. J'étais un enfant, je regardais ça, puis je considérais que c'était des locs, ce monde-là. C'était comme le plus que le plus bas dans l'humanité. C'est moins dégueulasse d'écouter l'eau chaude, l'eau froide que d'écouter ça. C'était épouvantable. Marius, cela peut revenir. Oui. Allô, Berthold, je viens d'arriver. C'est devant l'heure, je suis au bord de m'en aller. Je viens d'arriver. C'est quoi le motif occulte derrière la loi sur l'avortement qui vient d'arriver sortir aux États-Unis? J'en ai un petit peu parlé au début du live, mais je me souviens pas ce que j'ai dit. Je me souviens juste que j'en ai parlé. Mais ça va. Il y a pas des conservateurs qui sont contents, là, ça va se retourner un petit peu contre eux autres, peut-être. Mais tant qu'à moi, le motif occulte, je vois pas ça comme. En tout cas, il y en aurait long à dire, là, mais je pense que le monde, ils sont pas au courant des subtilités de ça. On nous met ça dans les médias, là, comme si c'était tout noir ou tout blanc, puis c'est pas vrai, là. De toute façon, selon la Constitution américaine, c'est aux États, tant qu'à moi, de légiférer là-dessus. Je pense que les juges de la Cour suprême, ils se sont simplement montrés bons constitutionnalistes. À cette heure, reste à savoir si les États ont un discernement par rapport à la légifération. Mais on verra bien. Mais c'est quoi le motif? Le motif, tant qu'à moi, si vous parlez au niveau occulte, là, d'affaires dans même, là, le but, c'est que le monde se chicane. L'ambiance, oui, est la meilleure ambiance secrète en jardinant. Toujours très déçu. Mais, ouais. Ouais, moi aussi. Moi, je sais pas y penser, là. Angélique, il y a plusieurs. OK, parlons de vous autres. Les arts jusqu'à maintenant permettront à certains d'identifier leurs émotions refoulées. Nous pouvons être assez conscients pour véhiculer du réel. Guérison, modulation de fréquence, à bon escient. Oui. Madonna est tellement pathétique qu'elle incarne la sorcière des corps. Si vous lui dites ça, elle comprendra pas, là. Elle peut bien être d'impatente d'aller voir le tombeau de Rachel pis tout. Moi, je suis pas mal d'accord avec. Mais bon, une sorcière des contes. Il y en a qui sont durs à battre, là. Bon, ben, bonne journée. L'oiseau moqueur. Madonna est défoncée sur les opiacés. Elle s'en est vantée. Elle m'a fait penser à Göring. Hein? Oui, très intéressant, ça. Oh, oui. Ben, c'est sûr, ce monde-là, ils touchent pas à terre. Hermann Göring, là, quand ils l'ont ramassé, là, il était complètement sur la morphine. Puis, ils l'ont sevré. Ils ont été bien gentils, les Américains, avec. Dans le fond, ils l'ont soigné pour qu'il puisse être en état d'avoir son procès comme les autres. Puis, il était rendu. C'est incroyable. C'était rendu une grosse diva, Göring. Il se poudrait, puis il se crémait, puis. Hey, il était temps qu'il reçoive des coups de pied dans le cul. De toute façon, il y avait de la place en masse. En tout cas. Mais là, tu sais, tout ça pour crever comme un gros lâche. Retrouver sa volonté pour ensuite faire encore plus honte. Mais Madonna, elle n'aura pas de sevrage par des ennemis qui seraient ses amis, dans le fond. Certains affirment que Madonna est un gars au vu de l'ossature de ses épaules et l'écartement au niveau de ses sourcils. Ben là, Madonna, là, elle a du québécois, elle. Elle a de l'italien, mais elle a du québécois et tout. Mais sans, elle n'a pas vécu à Montréal, elle, plus jeune. Je pense, je suis sûr que c'est pas un homme, là. Hey, franchement, ça aurait sorti. Ben bon, à cette heure, le monde. Ils ont fait exprès pour engendrer une confusion des genres, fait que le monde ne sait plus qui est un homme ou une femme. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Bon. Qui est plus à plaindre, Madonna ou ceux qui l'admirent? Je dirais que c'est elle. Ceux qui l'admirent peuvent finir à mener par arrêter de l'admirer, se rendre compte d'un coup, puis tout d'un coup, même peut-être d'écouter. Elle n'arrêtera pas de s'admirer. C'était style Canal D. Chasser le Madonna. Je pensais faire une vidéo style Canal D. Chasser le Madonna. C'est une pas pire idée. Oui, Mimi, c'est pour déstructurer notre perception et nous poussant à être attirés par le même sexe inconsciemment. Oui, ben, on veut qu'il y ait une forme de plus en plus de. Comment je pourrais dire ça? De narcissisme. les gens vont être enfermés dans un narcissisme. C'est lié à ce qu'on pourrait appeler à du narcissisme inconscient, souvent, de vouloir aller vers le même sexe. En fait, c'est du monde qui s'aime eux-mêmes. Puis qu'il y a pas, il y a un manque de maturité quelque part, dans certains cas, là. Fait que oui, je vois là-dedans quelque chose d'encourager une forme de narcissisme inconscient. Très malsain. Ah, ouais, ceux qui. Ouais, sur mon cœur. Bon, ben, moi, je vais vous laisser. Ça fait combien de temps? 2h30. Fait que c'est quand même pas si pire, là. Je vais aller dîner puis déjeuner en même temps. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis, ça a été bien le fun. Je suis quand même content. Je me souviens plus de grand-chose de ce que j'ai dit, là, mais. À quand un trio Madonna, Laurence Jalbert et l'autre chanteuse country qui aime qu'on pense à sa place, gars, Guylaine Tanguay? Ça va faire comme. Hey, mais si tu mets Guylaine Tanguay avec Madonna, il y en a une qui va regarder l'autre de haut. C'est un peu comme Erta Kitt dans le temps avec. Comment qu'elle s'appelle l'autre, là? Celle qui va. Celle qui va, là. Marjo. Marjolaine. Bon, ben bonne journée à tout le monde. Juste une... Bonsoir, juste une question. Bon, ben là, non, je pense que je vais. Madonna a des centipèdes robots qui lui sortent du vagin dans une vidéo. Ah oh, oui. Coudonc, ça empire tout le temps. Ça empire tout le temps. On va finir par la voir prendre un bain de sang, elle. Je l'ai vu dans leurs yeux. Ouais. Bon, ben bonne journée à tout le monde. Au revoir.